c'est pas avec mes petits refrains comiques, même s'ils sont parfois un peu poétiques, que je me retrouverai aux côtés de Pierre de Ronsard et Joachim du Blé. Ma rose est mignonne, mais n'est pas un poème. Les sur ma chemise pour plaire à Paul de Brême. Et le soir, je me sens heureux comme Ulysse, lorsque chez moi, dans mes draps, je me glisse. Hélas, il y a des mots qui sont difficiles à dire, car je sais que je ne serai jamais publié à la Pléiade. Mais je vais pouvoir me consoler en tentant de vous faire rigoler à propos du sujet de ce soir. C'est la Pléiade qui est une constellation de deux satellites à très haute résolution spatiale dont les multiples effets vont aller jusqu'à nous sauver de la noyade. Alors, je vous laisse avec Claire et Philippe. Alors Xavier, tu n'as dit que des choses vraies, et notamment que c'est pour moi qu'il met cette chemise parce que je l'adore. voilà, très jolie chemise. Voilà, donc on va parler de Pléiade. Vous connaissez tous les satellites Spot, évidemment. Il y en a eu un, il y en a eu deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Quelle fierté, bien sûr, pour la France. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous qui avez connu ça, l'arrivée de Spot 1. À l'époque, c'était combien ? 10 mètres de résolution, je crois ? Quelque chose comme ça, oui, 10 mètres de résolution. Vous allez voir qu'avec Pléiade, on fait beaucoup mieux. Pléiade, c'est un système avec des performances extraordinaires. On a deux satellites qui représentent une vraie rupture. Ce sont des satellites d'une tonne qui orbitent à 700 km d'altitude et qui sont capables de réaliser des images avec une précision, avec une résolution de 70 cm. Ce qui signifie qu'ils sont capables de voir un grain de riz à 10 km de distance. Pas mal. Pas mal. Je dois avouer, je suis impressionné. Et puis, ils ont surtout la capacité à prendre des images de n'importe quel point du globe dans les 24 heures. Et ça, c'est assez innovant aussi. Et puis, alors, bien sûr, beaucoup, beaucoup d'applications pour l'étude du littoral, la cartographie, la géologie, l'hydrologie, les forêts, l'agriculture, la défense, évidemment. Alors, ça fait quand même 4 et 5 ans que les Pléiades ont rejoint l'orbite terrestre, ce qui donne pas mal de recul pour faire un petit bilan. Voilà, un petit bilan. Alors, comment est-ce qu'on atteint ce niveau de performance ? Quelles sont les applications qui ont été recherchées, mises en œuvre, si je puis dire, par les systèmes Pléiades ? Vous allez voir que vous allez être étonnés. On va en discuter avec vous. Hein. Je vais vous passer le micro. Vous allez pouvoir discuter directement avec nos deux intervenants de ce soir. C'est Claire Tinel, Philippe Kubik. Merci beaucoup de les accueillir, s'il vous plaît. Bonsoir à tous les deux. Merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que vous voulez bien vous présenter, Philippe Kubik, Claire Tinel? Donc, bonsoir, Claire Tinel. Donc, je suis ingénieure en imagerie spatiale au CNES. Donc, actuellement, je suis représentante du CNES pour la Charte internationale Espace et catastrophes majeures, donc ça depuis un an et demi. Et avant cela, j'ai été responsable pendant 5 ans du programme Orfeo, qui était le programme préparatoire à l'utilisation des images Pléiades pour les scientifiques et les institutionnels. Voilà, il a fallu effectivement préparer les scientifiques, les institutionnels à l'utilisation de ces images. Ils n'avaient pas l'habitude d'avoir cette résolution-là. Donc, il y a eu tout un programme pour essayer de préparer les esprits, les méthodes, les techniques. Et puis aujourd'hui, effectivement, vous occupez de la charte. Hein. On va en reparler, évidemment, parce que ça a toujours un regard, enfin, quelque chose à voir, en tout cas, avec Pléiade. Philippe Kubik. Oui, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Philippe Kubik, je travaille au CNES depuis une vingtaine d'années et je suis le responsable du service qualité image qui, justement, s'occupe de toutes ces questions de haute résolution dans nos systèmes d'observation français. Ou en coopération internationale. Et par le passé, donc je viens au titre de mon passé sur le projet Pléiade, auquel j'ai contribué à peu près 10 ans de ma vie professionnelle, entre la qualité image et le projet. Voilà, donc je vais pouvoir vous répondre à vos questions, vos interrogations sur comment ça marche. Voilà, donc Philippe Kubik, c'est plutôt comment ça marche, et Claire Tinel, c'est plutôt à quoi ça sert, hein, pour pour le dire rapidement. Je vous rappelle que les mardis de l'espace sont organisés par le CNES, l'Agence française de l'espace, avec le concours de l'Association des barres des sciences Paris. Alors, on connaissait très bien les spots, hein, je l'ai dit en introduction, on les connaît par cœur. Voilà Pléiade. Alors, pourquoi est-ce qu'on a changé de nom? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On est toujours en train de faire de l'observation de la Terre dans le visible et puis dans d'autres gammes un petit peu aussi. Mais voilà, c'est de l'optique tout ça. C'est de l'optique tout ça. Alors, la famille Spot, comme vous l'avez dit, effectivement, elle a commencé en 86 avec Spot 1, dont on a fêté les 30 ans dernièrement, le 22 février. Et de 86 à 2015, on a désorbité Spot 5 à la fin de l'année dernière, en fait, vers décembre 2015. Donc on l'a renvoyé vers la Terre. Exactement, on l'a fait rentrer proprement pour qu'il ne laisse pas de déchets et qu'il laisse l'espace propre en un certain nombre d'années. Donc cette filière Spot, ça a été l'initiative française des années 80 qui a conduit à ce domaine un peu particulier d'excellence du spatial français. Et c'était une famille qui devenait du savoir-faire, on va dire, presque standard maintenant dans l'industrie. Et donc à la suite à peu près à la période où on faisait Spot 5, s'est posé la question, il y avait une mode qui venait de la NASA, de faire faster, better, cheaper, voyons si on sait faire des petits satellites plus performants, moins chers, avec des règles de définition revisitées, des économies, etc. Et donc dans les années 2000, on s'est dit, il faut faire plus petit et moins cher pour faire la suite du système Spot, ça va être un défi ambitieux. Et ce défi s'est transformé en faisons encore mieux que la continuité de Spot, mais faisons une rupture qui va améliorer beaucoup la résolution pour passer de ce qui était Spot 5 vers les années 2000, à peu près 2,50 m de résolution, à quelque chose en dessous du mètre, pour être calé sur le standard imposé par les satellites américains qui, à cette époque-là, annonçaient déjà des satellites commerciaux à 80 cm de résolution. Donc on est à 2005, voilà. Spot 5 s'est fait à 2,50 m. En 2002, c'est ça. On avait deux satellites à l'époque, Iconos et QuickBird. C'est ça, exactement. Qui faisaient du 80-60 cm de résolution. C'est ça, et qui étaient les meilleures capacités civiles de l'époque. Voilà. Et donc la France s'est dit, on veut se doter d'une capacité comme ça, et on veut faire ce montage avec un seul investissement global qui serve à la fois les besoins de la défense et des civils et des besoins commerciaux de notre industrie. Voilà. Pléiade, c'est financé à la fois par la défense et par le ministère de la Recherche. Le ministère de la Recherche, voilà. C'est ça. Donc par les deux, c'est ce qu'on appelle un satellite dual. Exactement. À la fois civil et militaire. Ça, c'est assez nouveau quand même. C'est complètement nouveau en France, ouais. Oui. C'est complètement nouveau en observation de la Terre. Parce que normalement, les satellites de la défense... La défense, a ses propres capacités d'observation qui sont strictement réservées à l'usage défense. Le système SPOT, c'était un système civil que la défense utilisait aussi par partie, mais qui était surtout un système civil. Et donc pour revenir à votre question initiale sur le nom, en fait, le nom de la filière SPOT, donc SPOT, satellite probatoire d'observation de la Terre, satellite pour occuper Toulouse, satellite d'observation... Je plaisante, mais ça a été... Qu'est-ce que cette histoire? Pour occuper Toulouse. Ça a été dit dans les années 60, fin des années 70, début des années 80. Oui. C'est agréable. Mais à l'arrivée, ça a été une compétence industrielle et étatique qui a permis à l'industrie, du coup, de financer elle-même en toute autonomie la suite de Spot, qui est Spot 6, Spot 7. Et ça n'est pas un programme institutionnel, c'est Airbus qui a financé ces nouveaux satellites pour prendre le relais. Et à côté donc de ça, Spot 5, c'était encore le CNES, et ensuite le CNES a dit, voilà, tout ça, c'est mature. Tout ça, c'est finalement du récurrent, c'est mature, on peut passer à l'industrie, elle est mûre. Et c'est l'industrie qui a fait Spot 6 et Spot 7. Exactement. D'accord. Et donc là, maintenant, le CNES, avec Pléiade, le CNES reprend la main, refait de l'innovation, fait des choses que l'industrie alors, à cette époque-là, il n'y avait pas cette capacité, et donc... D'aller à 70 cm. Il n'y avait pas cette capacité d'aller à 70 cm avec un défi de faire un petit satellite pas cher. Alors, c'est vrai, vous avez dit une tonne. Une tonne, ça paraît gros, mais ce n'est pas beaucoup. Les satellites précédents faisaient plutôt 3, 4, 5 tonnes. Les spots Oui, c'est ça. Se donner comme objectif de faire un petit satellite, ça réduit énormément les coûts parce qu'un satellite, il faut le lancer avec une fusée et lancer 3 tonnes, ça va coûter peut-être 60 millions d'euros de plus que de lancer une tonne. Donc c'est des enjeux énormes. Lorsqu'on dit faire un petit satellite, ça contraint la dépense associée au système qu'on veut construire. Mais attendez, donc je divise la masse par 3, mais je ne divise pas les coûts par 3 alors? Les coûts restent constants. La logique, c'est que l'investissement public sur toutes ces années a été de mettre à peu près la même quantité d'argent tous les 5, 6, 7 ans pour faire à chaque fois 2 à 3 fois mieux. Donc Spot 1 et Pléiade, c'est grosso modo Il y a un rapport, il y a un rapport 15 de résolution, on va dire, à peu près. Ouais, donc on fait une résolution bien meilleure. Voilà. Et pourtant, ça coûte à peu près le même autant d'argent. Ouais. Donc, Spléiat, c'est 650 millions d'euros. Oui, environ. Les deux satellites, lancés ensemble, avec le système qui les opère, c'est à peu près 650 millions d'euros sur 10 ans de développement. Voilà, les ordres de grandeur, c'est ça. Voilà. Alors les Pléiades, pour reprendre l'excellente introduction de notre pianiste talentueux, c'est effectivement Pléiades, ça laisse supposer qu'il y a effectivement des centaines de satellites en orbite, enfin des dizaines disons. Alors, initialement c'était l'idée du CTES, il y avait les Pléiades, il y avait des satellites radars, il y avait des satellites grand champ, et tout ça devait voler en constellation. Alors c'était l'époque où on se disait, il n'y a peut-être pas de problème de budget et on va pouvoir faire voler tout ça ensemble. Bien sûr. Et donc ça s'est résumé rapidement à deux satellites optiques, mais c'est quand même constellation. C'est quand même une constellation, c'est vrai, absolument. Alors si vous deviez nous les présenter, qu'est-ce que vous diriez là d'un point de vue technique, Philippe Kubik? On les voit là sur la première page. Alors si vous regardez la page de couverture avec les deux satellites qui sont en vue d'artiste au-dessus d'une ville là. Voilà, vous avez sur vos tables des petits documents comme ça que vous pouvez consulter. Ce sont des espèces d'objets, pas si gros que ça. Ce sont des cylindres avec une base hexagonale qui fait à peu près 2 mètres de diamètre. Ça mesure à peu près 3 mètres de haut. Alors le cylindre, il faut bien comprendre. Hein, c'est le corps du satellite. Là, c'est lui qui est pointé. C'est lui qui est dirigé vers le centre de la Terre. Vers la Terre. Donc cet objet-là, il embarque... Alors je ne sais pas s'il y a des vues après. Non, il n'y en a pas. Non. Mais on va le raconter comme ça. Donc vous voyez trois ailes noires qui sont distribuées sur trois côtés de l'hexagone. Ce sont les panneaux solaires qui fournissent l'énergie électrique au satellite, comme à peu près tous les satellites... L'observation de satellites tout court d'ailleurs, les satellites marchent à l'énergie électrique. C'est ce qui fait tourner, fonctionner tous les équipements qui sont à l'intérieur. Et c'est le soleil qui fournit cette énergie. Donc dans ce satellite, on va trouver un gros télescope, exactement comme un télescope d'observation de l'astronomie, sauf que là il est utilisé pour regarder la Terre. Donc c'est un télescope avec plusieurs miroirs. C'est le cylindre en question. C'est le cylindre qui est au milieu. Alors c'est pas ce qu'on voit là, hein. Ce qu'on voit, on voit l'arrière du satellite, donc en fait on voit l'interface entre le satellite et le lanceur qu'on le lance. Là le cylindre qui observe la Terre, il est de l'autre côté. Il est tourné vers la Terre. Et donc on ne le voit pas sur ce dessin. Donc ce gros télescope, c'est un objet qui fait à peu près, c'est grand comme vous, mettons, à peu près un peu plus gros, 65 cm de diamètre. Et pourtant, je sais de faire ce qu'il faut. Et donc il y a plusieurs miroirs qui reçoivent la lumière provenant de la zone observée. Cette lumière est focalisée exactement comme dans un appareil photo, dans un plan où se trouvent des détecteurs. Bon là, l'appareil photo qui nous filme contient une matrice dans le télescope qui est embarqué sur ces satellites. C'est pas tout à fait des matrices. Parce que je ne sais pas si tout le monde est conscient de la façon dont les images sont prises avec un satellite d'observation de la Terre, mais un satellite d'observation de la Terre, c'est une photocopieuse en fait. C'est-à-dire que du fait de son mouvement sur l'orbite, il défile autour de la Terre très rapidement. Alors bon, il faut suivre le dessin, le schéma avec mon doigt. Le satellite, il défile à 7 km par seconde autour de la Terre, à peu près du nord au sud. 7 km par seconde, ça fait 28 000 km/h. Hein, voilà. Donc ça, c'est la vitesse correspondant à son altitude. Et donc, à cette vitesse-là, en fait, il va acquérir son image ligne après ligne, exactement comme une photocopieuse. Quand vous mettez une feuille de papier sur la photocopieuse ou le scanner, il y a un mouvement de défilement et la copie est faite ligne après ligne. Ben, le satellite, c'est pareil. Il photocopie la Terre ligne après ligne. Et donc, dans son télescope, il n'y a pas des matrices qui prennent d'un coup l'image en deux dimensions, mais il y a des lignes de détecteurs qui prennent une ligne après l'autre, et c'est le mouvement de défilement au fil du temps qui génère l'image. Voilà. Donc il y a ces télescopes ce qu'on appelle la charge utile dans notre jargon d'ingénieur, c'est ce pourquoi on construit le satellite. Et puis autour, il y a tout un tas d'équipements qui rendent utilisable le satellite. Donc il y a des antennes qui reçoivent les ordres de programmation qu'on va lui envoyer. Il y a des antennes pour vider les images lorsqu'on passe au-dessus de station de réception. Ça, c'est pour la communication. Il y a un calculateur de bord qui va vérifier que tout fonctionne bien et qui va séquencer les activités de prise de vue. Et puis, il y a tout ce qui lui permet de savoir où il est. Et ça, c'est très important parce qu'on a besoin, pour un tel système, de fournir de la donnée. Et Claire vous la montrera après. On a besoin de fournir de la donnée précise. Et de la donnée précise, ça veut dire de la donnée bien localisée, notamment sur la Terre. Et le satellite n'a pas besoin d'avoir une carte pour savoir où il est. En fait, il a ses propres senseurs. Donc, il se repère dans l'espace avec ce qu'on appelle des senseurs stellaires. En anglais, on dit star tracker. Ce sont des petits instruments qui observent la voûte céleste, qui voient les étoiles et qui en déduisent la position du satellite dans l'espace. Son orientation. Il n'y a pas de GPS à bord. Alors le GPS, c'est autre chose. GPS, ouais. C'est pour la position. Là, je parlais de l'orientation. D'accord, voilà. J'ai compris. Alors, il n'a pas un GPS, mais il a le GPS français de l'espace qui s'appelle Doris, qui est bien plus précis que le GPS, qui fournit sa position à 1 cm, enfin, bon, allez, non, j'exagère, à 30 cm près, en absolu, sa position et sa vitesse. Donc ça lui permet de savoir sur quelle orbite il est exactement. Donc ça, c'est pour mesurer où il est. Et il a aussi ce qu'on appelle, ce qui est embarqué souvent dans... il y en a des versions miniaturisées dans les manettes de jeu, et puis dans des choses qui sont utilisées avec les mouvements, ça s'appelle des gyroscopes. C'est ce qui permet de mesurer finement quelle est sa vitesse angulaire. Donc tout ça, toutes ces informations sont utilisées par un calculateur pour déterminer la position. Il a besoin de savoir où il est. Et cette information, bah, il l'écrit dans les images qui sont enregistrées, et quand les images descendent, on sait exactement de quel point de vue elles ont été prises, à quelle date, et on sait donc faire des cartes précises de la Terre à quelques mètres près. Je complète juste pour terminer, parce que vous m'avez posé la question de comment ça marche et qu'est-ce qu'il y a dedans. Il y a un élément majeur qui a été justement... financé grâce à ce programme dans l'industrie, qui permet aux satellites de s'orienter très rapidement dans toutes les directions. Et ça, c'est une nouveauté. C'est ce qu'on appelle l'agilité. Voilà. L'agilité, c'est la capacité à s'orienter très rapidement dans une direction de visée et à être, bien stable au début de la prise de vue qu'on veut faire, parce que c'est pas le tout de bouger vite, ça, à la limite, ça pourrait être facile, mais il faut bouger vite et arriver parfaitement immobile, immobile, c'est pas tellement le mot, on n'est jamais immobile, mais parfaitement stabilisé en début de la prise de vue, justement avec des conditions de vitesse très élevées. Avec une Alors ça, c'est très nouveau, voilà, les spots n'avaient pas du tout ça. Voilà. Donc grosso modo, j'ai mon satellite qui tourne autour de la Terre, il est capable de basculer sur les côtés. Exactement, dans n'importe quelle direction en trois dimensions, il peut aller... orienter son objectif vers une cible terrestre quelconque, enfin même on verra plus tard qu'il peut orienter son objectif dans n'importe quelle direction au-delà de la Terre, et ça c'est possible parce qu'on a mis dedans des mécanismes particuliers, alors qui utilisent peut-être, certains ont des souvenirs de leur cours de physique passé, si vous avez fait un peu de physique, ils utilisent des actionneurs gyroscopiques qui utilisent l'effet gyroscopique d'une toupie lancée à grande vitesse. Donc je lance une toupie à l'intérieur du satellite. Exactement. Et c'est cette toupie qui va basculer le satellite. J'ai même quatre toupies. Quatre, ouais. Quatre toupies qui sont judicieusement orientées. Chaque toupie, c'est un volant assez lourd qui tourne à 80 tours par seconde, donc ça tourne très très vite. Et ce volant, il est monté sur une espèce de support que l'on fait tourner par rapport au satellite. Et en faisant tourner le support de la toupie, la toupie, elle est lancée. Elle est lancée. Elle est toujours lancée. Elle est mise en route. En revanche, on fait tourner l'axe qui la monture de la toupie, en quelque sorte. Et non pas la toupie elle-même, la monture de la toupie. Et faisant tourner cette monture de toupie, on crée une force qui va faire tourner le satellite dans un certain sens bien choisi. Et c'est cet effet-là qui donne au satellite sa capacité à s'orienter très rapidement dans un sens que l'on veut. Alors si on regarde la page 3, il y a un petit numéro en bas à gauche, il est écrit tout petit, il est très mignon. Donc la page 3 en bas à gauche, ça, on peut voir un petit 3. Donc c'est là où il est écrit single pass, strip mapping, stéréo et tristéréo, voilà. Corridor acquisition. Voilà. Voilà, tout ça c'est pour illustrer l'agilité. Voilà. Donc qu'est-ce que ça veut dire là ? Par exemple, si on prend... dites-nous, voilà. Donc avec cette capacité à s'orienter rapidement, en fait, chaque image prise par le satellite Pléiade, elle fait 20 km de large. Donc c'est la largeur du détecteur qui est dans le télescope, projeté au sol, ça fait 20 km de large. Qu'on fait donc une la photo. Bande orange que je vois, elle fait 20 km de large. Une seule bande orange fait 20 km de large. Si un utilisateur a besoin d'une couverture qui fait 100 km de large pour couvrir une agglomération, un département, que sais-je, eh bien le satellite peut faire 3, 4, 5 bandes adjacentes, comme ça, successivement, mais au cours du même passage orbital. C'est-à-dire que depuis la même orbite, il va faire une première bande, et puis, puisqu'il peut se réorienter rapidement, il va aller se mettre au début de la deuxième bande à côté, il va la faire, et ainsi de suite. Alors, et ainsi de suite, pas à l'infini, puisque il y a une contrainte qui est complètement indépassable, c'est l'orbite, et le satellite, il se déplace sur son orbite à sa vitesse. Et donc, il y a un moment où il arrive en visibilité de la zone, et un moment où il quitte la visibilité de la zone. Donc, tout ceci dure le temps un certain temps qui se calcule en fonction de la taille à imager et puis de la vitesse du satellite. Mais globalement, ce satellite sait faire des couvertures de l'ordre de 5 bandes qui font chacune 100 km de long. Donc là, on a un exemple à gauche, hein, on voit 4 bandes. On a 4 bandes, voilà. Orange, voilà. Donc là, on a 80 km. Ça, c'est très nouveau. Les spots étaient incapables de faire ça. Les spots ne faisaient pas ça, puisqu'ils faisaient, ils avaient un champ plus large, puisqu'ils étaient à résolution plus basse, entre 10 et 20 mètres. Et ils faisaient des images de 60 km de large. Et ils avaient deux télescopes embarqués dans le satellite qui permettaient de faire finalement 100 km de champ d'un seul coup. Voilà. Et la raison d'être de Spot, c'était de couvrir toutes les terres émergées, en fait, systématiquement. Avec Pléiade, ce n'est pas du tout le cas. Il faut choisir. Il y a une liste possible de zones à imager. Et donc, on fait des couvertures là où on veut les faire. Alors ensuite, on a tout ce qui est stéréo et tristéréo. Qu'est-ce que c'est, ça ? Alors, la stéréo, ce n'est pas la musique, c'est la vision en 3D. On appelle ça aussi stéréo, puisque c'est le raccourci de la vision stéréoscopique. Donc, pour restituer le relief, nous, les êtres humains, on a deux yeux, comme pas mal d'animaux. Donc, on fait deux points de vue du monde qu'on observe, deux points de vue légèrement différents. Et de ces deux informations, on sort le relief, puisque les deux images que l'on obtient sont différentes. Et avec un satellite qui a un seul œil, il faut faire deux prises de vue successives. Donc c'est ce qu'on fait avec de la stéréo ou de la tristéréo si on en veut trois. Alors traditionnellement, donc, deux on voit images bien là au centre, hein, stéréo, tristéréo, on voit bien qu'on a pris trois images du même petit carré orange. Exactement. Donc, à des endroits différents. Voilà. Et donc on a des points de vue différents sur un même objet. Donc ce qui est illustré dans les trois petites images en noir et blanc que vous avez à gauche, en bas à gauche, c'est que la première vue va vous donner une visée où vous avez les façades avant. La vue verticale va vous donner globalement le bâtiment vu d'en haut et donc le fond des rues relativement bien visible. Et la troisième vue va vous donner la façade arrière. Et l'ensemble de ces données permet de générer automatiquement ce qu'on appelle des modèles numériques d'élévation. C'est-à-dire par calcul, par traitement, on est en mesure de déduire de ces images la vraie hauteur de tous les points de l'image, avec une précision de l'ordre de 1 mètre à 1 mètre 50. Voilà. Ça, c'est important. Hein. Ça signifie bien que... C'est fondamental. Ça, c'est tout à fait nouveau aussi avec Pléiade. On est capable de déterminer la hauteur d'un objet, d'un bâtiment, d'une forêt. Et ce qui est important, c'est que c'est faisable, en fait, en un seul passage du satellite. Et donc, il y a une simultanéité des prises de vue qui les rend parfaitement cohérentes. Sur Spot, il y avait un miroir de changement de visée qui permettait de faire la stéréo. La stéréo, ça existe depuis très longtemps dans l'espace. Hein. Mais souvent, les images étaient prises à des jours différents. Et donc, il y avait des évolutions, le temps avait changé, il pouvait y avoir un nuage ou pas, il pouvait y avoir une modification. Voilà. Et il me restait quelque chose à dire, mais j'ai oublié. Je ne sais plus. Ça va vous permettre de réfléchir. Dans la ville de Toulouse, il y avait les Qatars qui défiaient Paris et son central pouvoir. La répression fut rude, les hérétiques brûlés par les princes de Paris. Toulouse fut occupée. Aujourd'hui, c'est plus subtil. Si ça bouge en Languedoc, pour occuper Toulouse, on leur donne un nouveau spot. Ça s'applaudit, ça. Juste pour compléter, donc, après ce clin d'œil à Spot, oui, vous disiez que c'était nouveau. Alors, c'est pas la stéréo qui est nouvelle, c'est la capacité à acquérir de la stéréo rapidement en haute résolution. Et dans les fêtes, l'usage de Pléiade aujourd'hui, c'est à peu près 40% de programmation en stéréo. C'est énorme. Oui. Voilà. Donc on utilise beaucoup la stéréo avec Pléiade. Le pourcentage de programmation stéréo par rapport aux images à plat, si vous voulez, c'est 40%. C'est considérable. Énorme. Alors on va peut-être regarder la page 2 et puis ensuite on va écouter Claire Tinel. Donc on revient juste une page en arrière sur la page qui s'intitule La capacité, juste pour illustrer. Voilà, c'est la résolution dont on parle. Donc on prend des champs de 20 km, hein, c'est ce qu'on voit. Voilà, une image, comme je disais, fait 20 km de large. Après, elle peut faire la longueur que l'on veut. À la limite, on pourrait faire une bande de 300 km de long sur 20 km de large, mais ce n'est pas très pratique à exploiter. Et ce qui est important, c'est deux choses. C'est-à-dire que pour se rendre compte de la quantité de données que génère un tel système, bah, vous voyez une image comme ça qui a l'air d'une petite vue, une petite photo sur un coin de papier, celle ça de a l'air gauche, de rien, hein, celle de gauche, ouais. Elle fait 20 km sur 20, mais ce truc-là, ça fait 30 000 pixels en ligne sur 30 000 pixels en colonne. Et donc si on regarde les détails qui sont dedans, on voit ce qui est illustré à droite, où on a mis la place du Capitole, parce qu'on est monté à la capitale, donc on voulait vous montrer Toulouse. On voit ce genre de détails. Et si on se met à la place d'un utilisateur qui prend une seule image Pléiade et qui a un ordinateur, un écran d'ordinateur qui fait, je sais pas, mettons 1000 pixels de côté, mais en fait une image Pléiade à regarder, il faudrait qu'il regarde 1600 écrans. Waouh. C'est juste pour une image. Et des images, il y en a 600 par jour par satellite. Ah ouais. Okay. Tous les jours. Il y a un détail extraordinaire. Et donc il y a une volumétrie de données, mais qui est absolument vertigineuse. Qui est utilisé par toute une communauté. Et donc, ce sont vraiment des grosses données, ouais. Fréquentes, nombreuses et volumineuses. Voilà. C'est pour ça que je dis capacité. Surtout avec deux satellites, on est à 1300, parfois 1500 images par jour. Ouais. C'est un volume de données traitées considérable. Ouais. C'est bien au-delà des appareils photo qui font 10, 20 mégapixels, si vous voulez. Là, une image, c'est 1 milliard de pixels. 1 milliard de pixels. Et il y en a 1500 par jour. Ouais. Voilà. Alors Claire Tinel, on va parler un petit peu des applications. Donc on voit quel outil assez étonnant on a avec les Pléiades. Vers quelle application est-ce que vous avez envie de nous emmener? Quel exemple est-ce que vous auriez en tête, le premier? Alors, le premier, moi je vais rebondir en fait sur la capacité stéréo de Pléiades. Parce qu'en fait ça a ouvert une porte sur les applications thématiques, pour des thématiques pour lesquelles on n'aurait pas pensé tirer parti de la très haute résolution. Donc je pense à la géologie notamment, là où on a besoin en général d'images avec des couvertures assez larges, avec des angles d'acquisition constants, si on veut faire de la surveillance de volcans, de choses comme ça. On peut faire de la surveillance de volcans avec Pléiades. On peut faire de la surveillance de volcans avec Pléiades. Alors, qu'est-ce que ça veut dire surveiller un volcan avec Pléiades ? Surveiller un volcan, donc il y aura plusieurs applications. Si vous utilisez la 3D, vous pouvez par exemple, lorsqu'il y a typiquement le piton de la Fournaise à La Réunion, à chaque fois qu'il y a une éruption avec des coulées de lave, vous pouvez imager après en 3D pour avoir donc un modèle numérique d'élévation et voir en fait la déformation, la modification justement du terrain sur les pentes du volcan, donc, avec l'épaisseur de la lave. Est-ce qu'on dit que les volcans peuvent gonfler un peu, peuvent se déformer quand une éruption arrive ou quand elle est déjà là, c'est ça ? Alors on va pas aller jusque là avec Pléiades. Après on peut surveiller, c'est dans le cas d'une éruption, donc si oui. Pléiades, on peut avoir une image tous les jours ou tous les deux jours, on peut voir aussi l'évolution des coulées de lave. C'est pas la stéréo, j'ai pas besoin d'avoir la 3D. Là on n'a pas forcément besoin de la 3D. Alors, au niveau de la stéréo, donc il y avait justement une étude qui a été réalisée donc par le LIGOS, qui est un laboratoire du CNES, sur le massif du Mont Blanc. Et donc là, on a montré vraiment l'apport de Pléiades et de sa stéréo. En fait, on a eu donc une acquisition stéréo de Pléiades en 2012. Qu'on a pu comparer donc à l'époque avec une acquisition stéréo de Spot qui avait été réalisée en 2003, donc 9 ans avant. Et cette acquisition stéréo a été aussi combinée avec quelques relevés terrain, donc des relevés GPS. Donc il faut savoir... Donc sur place, hein, des gens qui sont allés sur place, voilà. Et donc il faut savoir que du coup on est arrivé en fait à une précision au niveau de l'altimétrie de 50 cm. Donc c'est vraiment très très peu grâce à Pléiades. Et on a pu en fait déterminer, en soustrayant donc les deux modèles numériques d'élévation, de voir un peu l'évolution de la calotte glaciaire, des glaciers du Mont Blanc, et de voir qu'en 9 ans, en moyenne, les glaciers du Mont Blanc avaient perdu 10 mètres. 10 mètres d'épaisseur. Donc, on avait un amincissement de la calotte glaciaire. Donc, sachant que ça dépendait de l'altitude, donc les glaciers au-dessus de 3800 mètres n'avaient pratiquement pas bougé. Par contre, toutes les langues glaciaires qui étaient à des basses altitudes, certaines, en un an, avaient perdu 12 mètres d'épaisseur. Mmh. Au niveau de la mer de glace, on est à peu près à 4-5 mètres par an. 4-5 mètres par an. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est intéressant parce que le rêve des géologues, ce serait de pouvoir en fait surveiller tous les glaciers du monde entier, pour pouvoir en fait temporellement évaluer les quantités de masse qui sont fondues, parce qu'il faut savoir que la fonte des glaciers participe aussi à la hausse de la montée des eaux des océans. Et justement, ce laboratoire a montré qu'entre 2003 et 2009, 30% de la montée des eaux était due à la fonte des glaciers. Donc glaciers principalement situés en Alaska et en Patagonie. Donc ça, les images satellites ont aidé évidemment à quantifier ce phénomène. Ouais. Ok, peut-être un autre exemple avant qu'on passe la parole au public. Peut-être qu'on peut passer au... Il y a quelque chose qui est évidemment qui est à la fois terrible, mais où vraiment on voit le satellite est extraordinairement utile. C'est par exemple les tremblements de terre. Donc si vous allez en page 9, et on voit la ville de Port-au-Prince à Haïti. Alors en fait, cette illustration montre l'utilisation qui est faite des images satellites. C'est pas le tout d'avoir des images satellites. Lorsqu'on vous montre une image, d'accord, c'est une belle image, un peu de photo-interprétation, mais l'intérêt, en fait, c'est de pouvoir appliquer des traitements sur les images pour en extraire une information précise. Donc là, c'est pas l'image brute, hein, bien souvent, mais c'est ce que je vais en faire avec des traitements informatiques. Voilà, dépendant de l'usage que l'on veut en faire. Donc là, typiquement, ça montre, à partir d'une image là, de Port-au-Prince, c'est ce qu'on a fait, on a appliqué des traitements, des algorithmes, donc avec des logiciels de traitement d'images, qui permettent, on le voit là, donc le au niveau du fondu, de d'abord délimiter les contours, de ce que l'on voit, donc ça s'appelle de la segmentation, et ensuite lorsqu'on a délimité des contours, on va pouvoir classer par différents types de nomenclatures et donc extraire, ici on voit qu'on a tout ce qui est en rouge c'est le bâti, en vert la végétation, en gris tout ce qui est axe de communication, des formes qui ne sont pas végétalisées, et ça permet d'avoir ce qu'on appelle des vecteurs et de pouvoir quantifier, avec ça on peut calculer la surface qu'occupe le bâti sur la ville, par exemple, ou la végétation. Donc là, ce serait plutôt pour l'aménagement du territoire, mais c'est utile aussi en cas de catastrophe. Alors, Pléiade, l'avantage de Pléiade, ça va être sur la réactivité. Donc on a vu que Pléiade, donc chaque endroit de la Terre peut être accessible par Pléiade donc en 24 heures. Il faut préciser que les deux satellites sont chacun d'un côté de la Terre. Hein. Voilà, donc c'est la constellation en fait qui permet justement cette accessibilité. Et donc justement là, l'intérêt de Pléiade, c'est pouvoir imager des lieux impactés par des catastrophes. Donc justement, on parlait tout à l'heure de la charte internationale espace et catastrophes majeures. On y reviendra, oui. Et le but, eh bien, c'est de pouvoir imager le plus vite possible pour envoyer de l'information aux équipes qui sont sur place, aux équipes de secours, pour aider à l'organisation des secours. Pour un tremblement de terre, on va vouloir voir quels sont à quel endroit se trouvent les maisons qui ont été endommagées, les routes qui ont été bloquées, justement pour les facilités d'accès. Et le but, c'est d'avoir l'image déjà le plus rapidement possible. Et ça dépend. Après, on a un autre facteur, c'est les conditions météorologiques. Oui. Donc, parce Pléiade, que là, on est limité, ouais. Voilà, on est limité par la couverture nuageuse, s'il y en a, donc vraiment par les conditions météorologiques. S'il y a des nuages, là, évidemment, on ne voit pas au travers des nuages, hein, avec Pléiade. Alors, si vous regardez cette image-là, qui est une image qui est déposée sur vos tables et qui est une feuille volante, en haut à droite, il y a un titre, c'est Népal, district de Sindhupalchok. District de Sindhupalchok. Vous pouvez regarder cette image. Qu'est-ce qu'elle raconte Cette image, elle raconte, en fait, c'est donc qu'il y a eu, tout le monde se souvient qu'il y a eu un énorme tremblement de terre, donc c'était le 25 avril 2015 au Népal. Et donc, il y a eu beaucoup de répliques. Et justement, une zone au nord-est de Katmandou a été fortement touchée par les répliques. Et donc là, grâce à Pléiade, on a pu imager et identifier. Donc ça, c'est le CERTIT, qui est le service français de cartographie rapide, qui a pu identifier tous les hameaux, villages qui avaient été impactés par les secousses, par les répliques. Donc là, ce que vous voyez, les cercles représentent les hameaux villages. Donc la taille des cercles est en fonction de la taille de ces villages. Et la couleur de ces cercles montre le degré d'impact, de dommages pour ces villages. Donc jaune, pratiquement pas impacté, jusque rouge, pratiquement complètement détruit. Et on n'a pas seulement cette information, mais d'autres informations aussi, justement, pour l'accès de secours. C'est qu'ils ont essayé d'identifier toutes les routes qui avaient été bloquées par des glissements de terrain, puisque qui dit tremblement de terre dit glissement de terrain, et donc éventuellement des routes qui sont coupées. Donc ça, c'est représenté par les triangles blancs que vous voyez. Les tout petits triangles blancs que vous pouvez voir si vous approchez l'œil. Voilà, les petits triangles blancs qui sont des triangles avec de signalisation qu'on connaît au bord des routes avec le petit point d'exclamation. Ça, ce sont les routes qui ont été coupées. Ce sont les routes qui ont été coupées. Les triangles bleus, ce sont des campements, des tentes qui ont été soit ramenées par de secours, soit élitreuillées pour permettre aux habitants de se réfugier. Pour réaliser une photo comme ça, il y a quelqu'un qui va regarder avec une loupe, si je puis dire, chaque image. Alors ça, c'est de la photo-interprétation, donc il faut savoir que... ça veut dire que c'est un logiciel qui a créé ces petits points rouges. Non, ça, c'est de la photo-interprétation. Oui, donc ce sont des personnes comme vous et moi qui sont derrière un écran et qui vont pointer... En fait, donc ça c'est pour la cartographie rapide. On n'a pas le temps en fait de lancer des logiciels de traitement d'images, d'essayer de valider un produit comme cela est réalisé en 6 heures. Donc une fois que la donnée est réceptionnée, 6 heures après, cette carte est transmise aux équipes de secours. Donc c'est vraiment là, ça a été le cas, la réactivité. Là, ça a été le cas. D'accord. Ça a été le cas pour l'autre carte qui est sur Katmandou. Donc là, on demande vraiment d'aller le plus rapidement possible. Et on a une équipe, donc le CERTIT a une équipe de photo-interprètes qui va identifier tous les dommages qui ont été faits. Un des derniers domaines où l'homme est encore plus rapide que la machine, la photo-interprétation. Il y a cette autre image-là, c'est aussi une feuille volante. Et elle s'intitule en haut à droite « Népal-Katmandou ». Cette image-là, « Népal ». Katmandou, on peut la regarder. Et alors, puis, cette image, en fait, elle a été... le tremblement de terre a eu lieu, donc c'était un samedi midi. On a eu une première acquisition Pléiade sur Katmandou le lendemain, le dimanche, mais il y avait des nuages. Donc l'image ne pouvait pas être interprétée. Et on a eu une deuxième acquisition, donc 48 heures après le tremblement de terre. Et ce qui se passe, c'est que sur Katmandou, alors déjà, il n'y a pas eu beaucoup de dégâts, mais surtout, en fait, on a une architecture avec des toits plats. Donc si on a les toits qui sont effondrés, on ne va pas forcément le voir vu du haut, quoi. Et donc là, le CERTIT s'est attaché, justement, à identifier toutes les tentes qui avaient été montées dans la ville. Donc on a dans le petit feuillet on va y venir, mais ce qu'on voit, oui, les tentes, voit tout ce qui est tout, vous voyez toutes les tout ce qui est entouré en jaune, en fait ce sont des groupements de tentes qui avaient été montées par les habitants. C'était surtout à cause des répliques, en fait ils avaient peur des répliques, ils n'osaient pas dormir dans leur maison de peur que les maisons s'écroulent. Donc ils dormaient, ils avaient monté des tentes dans leurs jardins, dans des parcs, sur des terrains vagues. Et là, ce qui est important pour les secours, donc ça, ce produit cartographique a été envoyé aux autorités indiennes et népalaises, donc 48 heures après le tremblement de terre. Et ce qui est important, c'est les équipes de secours, du coup, savent où se trouve la population. Et ça permet de savoir où est-ce qu'ils doivent amener la nourriture, où est-ce qu'ils doivent amener des réserves d'eau. Ah, il y a une dernière image volante, c'est celle-ci, qui s'appelle « Tremblement de terre Népal ». Cette image-là qui s'appelle « Tremblement de terre Népal ». Alors là, on voit très bien à gauche, là, les deux petites images. C'est un hameau, je suppose. Voilà, c'est un hameau justement dans les régions montagneuses là, qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'était une image de Pléiade qui avait été acquise avant. Donc qu'on avait en archive. Et du coup, ça, c'est l'acquisition. Donc ça, c'était une semaine après le tremblement de terre. Donc on peut voir les dégâts. C'est vraiment un village qui a été fortement impacté par le tremblement de terre. Et donc à droite, vous voyez un zoom justement des campements, des tentes qui ont été identifiées. Et puis vous pouvez voir, il faut quand même avoir un œil d'expert justement pour discerner toutes les tentes. Et voilà, ce sont quand même des équipes qui sont entraînées à faire de la photo-interprétation très rapidement. Bon, voilà quelques exemples, mais je suis sûr que vous avez des questions, des interrogations, donc je viens jusqu'à vous et puis je vous passe le micro. Oui, il y avait une question sur Twitter. Vous avez parlé donc de 1200 images par jour. Ça correspond à quel volume de données en gigaoctets ou en téraoctets ? Alors, j'ai pas ma calculatrice. Alors, on va dire qu'une image Pléiade fait à peu près 5 gigaoctets. L'unité. Fois 1600. Ou fois 1000, allez, voilà. Si c'est 1000. Donc si ça fait fois 1000, ça fait 5 téraoctets. Donc ça fait 5 téra par jour, voilà. Voilà. Voilà. Hein, une image, sachant que ce sont des images en couleur, donc il y a 4 plans couleur. Donc typiquement, voilà. On va vers du 5 téraoctets oui, par jour. Oui. Par jour, d'accord. Oui, parce que je ne l'ai pas dit, mais on est effectivement... liés, en lien avec Twitter, hein, on a nos tweetos qui sont là et puis qui racontent sur la tweetosphère ce qui est en train de se dire ce soir. Et si vous-même, vous voulez vous exprimer et raconter tout ça, vous pouvez utiliser le hashtag KnessTweetUp. D'autres interventions, monsieur ? Bonsoir. Je voulais vous demander comment ça se passait au niveau de la gestion du planning des prises de vue. Est-ce que c'est quelque chose qui se... Est-ce qu'il faut faire des demandes longtemps à l'avance ou est-ce que ça se fait de façon... Voilà. Alors la façon dont c'est construit, il y a un plan de programmation qui est envoyé au plus fréquent 3 fois par jour au satellite, aux 2 satellites d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a un réseau de stations de contrôle distribuées sur la Terre qui permettent de communiquer avec le satellite. C'est organisé pour partager la journée en 3 périodes de 8 heures, ça tombe bien. Et donc, le recueil des programmations se fait d'une part par un centre civil qui est la société qui s'appelait Spotimage avant, qui maintenant fait partie d'Airbus, qui fait ses propres plans de programmation pour répondre à ses clients. D'autre part, la défense française est un acteur du système et a une capacité réservée prioritaire et fait ses propres programmations. Tous les jours, ces deux programmations, défense d'un côté, civile de l'autre, sont renvoyées au centre de contrôle principal qui est au CNES, qui est une entité sécurisée justement pour ne pas induire de porosité entre les demandes défense et les demandes civiles. C'est-à-dire que vous, CNES, voilà. Vous n'avez pas accès aux demandes défense. On n'a pas accès aux détails des demandes défense. Oui. En revanche, informatiquement et de manière sécurisée, les demandes défense arrivent au CNES dans un canal dédié. Les demandes civiles arrivent au CNES dans le canal civil. Elles sont orchestrées, priorisées, parce que le satellite ne peut pas répondre à toutes les demandes. Il y a tous les jours un arbitrage qui doit être fait, parce que si on décide de faire telle prise de vue, on ne fera pas celle qui est 500 km à côté à la même date. Ou alors, il va falloir en sacrifier d'autres. Donc, il y a tout un algorithme automatique qui hiérarchise et qui élabore finalement la meilleure solution qui contente les priorités qui ont été demandées. Et tout ceci, c'est téléchargé donc, lorsque le satellite passe au-dessus d'une station de contrôle. Et puis, c'est vidé 2 fois par jour, en 4 ou 5 passages, entre Kiruna, qui est au nord de la Suède, et la station de Toulouse, pour la partie civile. Et ensuite, c'est vidé sur le centre défense, pour la partie défense. Voilà. On ne saura pas où il est, le centre défense. L'antenne du centre défense. Non. Non, d'accord, c'est ça, on est d'accord, c'est ça, c'est tout à fait. Alors, quand même une chose, il y a des priorités. Il y a un tremblement de terre, évidemment, c'est si la charte est actionnée. Hein, Alors justement, je voulais revenir là-dessus. Effectivement, lorsque la charte est actionnée... Alors, il faut rappeler ce que c'est que cette charte, quand même. Alors, la charte internationale. Donc, en fait, c'est une coopération internationale entre 15 agences spatiales, dont l'objectif est de mettre à la disposition donc des autorités gouvernementales, des sécurités civiles, de pays impactés par des catastrophes, mettent à disposition gratuitement de l'imagerie satellitale le plus rapidement possible. Donc, dans ce cas-là, effectivement, lorsque la charte est activée pour un événement, la priorité de la prise de vue pour la charte est au maximum. Ça passe devant les demandes commerciales civiles. comme ça, nous on est assurés de pouvoir acquérir. Et si moi je veux acheter des images, est-ce que c'est plus cher si je mets une priorité haute, je la veux dans un jour, ou si je suis prêt à attendre un mois? Oui, je pense que Airbus est le fournisseur d'images, et effectivement il y a différents tarifs selon le degré d'urgence. Et en fait, il y a différents besoins. C'est-à-dire que si vous voulez une image qui existe déjà, parce que quand on l'a vu, il y a quelques terras d'images au catalogue depuis 4 ans. Donc s'il y a une image qui existe... Toute la Terre a été couverte ou pas encore? Pas forcément, non. Parce qu'il y a des zones de la Terre où personne n'a demandé d'image. Donc il n'y a pas forcément des zones de toute la Terre entière. Mais si vous voulez une image qui est disponible au catalogue, elle sera disponible à un prix bien plus bas. Si vous voulez faire une demande de programmation dans vos conditions à vous, à peu près à telle date, dans telles conditions, et si vous voulez pour demain, là c'est très très cher. Là ça va douiller. C'est facilement plusieurs milliers d'euros pour une seule image, voire au-dessus de la dizaine de milliers. Donc ça dépend. Voilà. Bonsoir. Moi je voulais avoir un peu plus de précision sur les délais, parce qu'on parle de si demain il y a une catastrophe, par exemple à Paris, et que je veux une image de Paris du satellite. Tout à l'heure, on disait, bon, vous avez dit très rapidement, vous avez aussi dit pour le Népal que ça a pris un jour ou 48 heures. Et concrètement, je voulais savoir si maintenant je veux une image de Paris, entre le positionnement des satellites, les ordres et la transmission des données sur Terre, combien de temps ça prend pour l'image? Et j'avais une deuxième question aussi ensuite, c'était au niveau légal, donc on dit on peut photographier la Terre, mais comment ça se passe si demain je veux photographier la Corée du Nord par exemple? Est-ce que c'est possible d'avoir une image comme ça, ou quel problème ça pose légalement? Alors sur le premier point, c'est de la mécanique spatiale, c'est-à-dire que le satellite il est sur une orbite et il passe au plus une fois par jour au-dessus d'un point donné. Donc ça, quand vous dites j'ai besoin d'une image demain, vous pouvez pas dire je veux une image demain au plus tôt à 9h du matin. Ça n'est pas possible, parce qu'il faut attendre que le satellite soit passé au-dessus de la zone qui vous intéresse. Si vous avez de la chance, il va passer au-dessus de la zone moyennant une petite visée oblique. Si vous n'avez pas de chance, il va passer le plus loin possible, c'est-à-dire que vous aurez une vue très inclinée, si vous voulez votre image demain. Donc, en termes de délai, si vous êtes prioritaire et qu'aujourd'hui vous dites « je veux une image absolument demain », bah, la prise de vue, elle va avoir lieu quelque part demain, en heure légale, en fonction de la position de votre... Là, si vous parlez de Paris, c'est en France, donc ça sera autour de 10h30, 11h. Mais si c'est en Amérique, bah, ça sera plutôt vers 15h l'après-midi. Si c'est au Japon, ça sera plutôt tôt le matin, parce que la Terre tourne en un jour, comme vous le savez tous. Et donc, le temps s'écoule dans le sens de la rotation de la Terre. Donc, je dirais, si on prend l'exemple de Paris, si aujourd'hui vous avez anticipé une demande de programmation sur Paris et que demain le satellite passe sur Paris, enfin l'un ou l'autre des deux vont passer près de Paris, forcément, puisque on l'a dit en intro, cette Pléiade voit tout point du globe une fois par jour, vous aurez une image de Paris qui va être vidée. Alors vous avez de la chance que ce soit Paris, puisqu'elle va être vidée sur Toulouse, dans l'enfilade, et donc elle va être traitée juste rapidement, après, ouais. Juste après, et je dirais demain vers, on va dire 15h, la donnée est prête. Après, s'il n'y a pas de nuages. Alors, elle sera prête même s'il y a des nuages. Vous aurez des nuages bien traités. Voilà, vous aurez l'image de Paris sous les nuages. Après, le temps de production de la donnée, c'est négligeable. C'est une demi-heure, si vous voulez, faire un produit entre la télémesure brute qui descend, qui est tout en vrac, enfin tout en vrac, qui n'est pas directement exploitable, et puis le DVD ou le disque dur ou le produit réseau que vous pouvez récupérer, il va se passer une demi-heure de production. Après, il faut transférer cette donnée chez vous. C'est un autre autre paramètre du temps global d'accès à la donnée. Donc il y a un temps de latence quand même. Voilà. Mais ça, c'est si vous voulez spécifiquement une image Pléiade. Parce qu'il y a aussi, du Spot, il y a aussi du QuickBird, il y a aussi de l'Iconos. Il y a d'autres satellites qui peuvent vous être utiles. Oui. Au niveau de la charte, de toute façon, nous, on est dépendant de la couverture nuageuse. Je dirais que le record qu'on ait pu faire, ça a été pour un tremblement de terre au Chili. Donc je vais parler en heure UTC. on avait un tremblement de terre, donc c'était à minuit à peu près au Chili. La charte a été activée 5 heures plus tard. C'est-à-dire que les Chiliens ont dit « je veux des images satellites ». J'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'images satellites. Voilà. Ils l'ont demandé 5 heures plus tard. Voilà, 5 heures plus tard. 6 heures après l'activation, on avait un des trois plans de programmation qui était monté. Donc le Pléiade était au courant qu'il fallait qu'il image dès qu'il passait au-dessus. À 15 heures, on avait l'acquisition. Et à 18 heures, parce qu'après il y avait le temps que ça revienne, on avait l'image. Voilà, donc ça a été entre guillemets un record, donc moins de 20 heures après l'événement, donc même pas après l'activation de la charte, moins de 20 heures après l'événement. On avait une image Pléiade, non nuageuse. Je vais répondre à la deuxième question du monsieur derrière moi sur l'aspect légal en fait de ces activités. Alors l'observation, enfin l'espace est un domaine international qui n'est pas soumis à un règlement propre à un pays particulier. Et donc, d'un point de vue standard, n'importe qui peut commander une image d'un site de n'importe où sur la Terre et l'acheter. Sauf que c'est presque vrai, en particulier les moyens français qui sont utilisés, si il y a une sorte de filtrage sur les zones que regardent d'autres pays que la France avec les moyens français. Donc on va pas vendre à un, je prends un exemple caricatural, je sais pas moi, on va pas vendre à un client de la Corée du Nord une image très résolue de la rade de Toulon par exemple. Voilà, voilà. Où il y a les bâtiments de guerre français. Petit filtrage quand même, hein. Michel, il y a des questions. Michel a toujours des questions. Bon, j'étais pas là au début, donc peut-être que vous avez donné des précisions sur ce que je vais demander. Sur la trajectoire des satellites, est-ce qu'ils sont polaires ou inclinés? Parce que si c'est purement polaire, ils perdent pas mal de temps sur des zones. Au pôle Nord, il n'y a pas grand-chose, et au pôle Sud, il n'y a personne. Donc je suppose que ça ne va pas intéresser grand monde. Et donc je voulais savoir plus précisément quels étaient les paramètres orbitaux et enfin quelques petits détails comme ça. D'accord. Éventuellement, à moins que ça ait déjà été dit, comment ça avait été lancé et est-ce qu'il y en a seulement deux ou d'autres qui sont prévus? Alors, tu es passé exactement dans les trous de la raquette, Michel, parce que c'est justement deux points qu'il allait falloir aborder à un moment donné qu'on n'avait pas encore abordé. Alors, l'orbite des satellites d'observation de la Terre, alors effectivement, elle est presque polaire. Alors, je faisais un dessin tout à l'heure, je ne sais pas si vous étiez déjà arrivé, je faisais un dessin avec mon doigt, c'est pas facile, pour schématiser le mouvement du satellite sur son orbite, qui tourne à peu près à 700 km d'altitude. Alors, il est dans une orbite quasi polaire, c'est-à-dire que vous imaginez un plan qui va être un petit peu incliné par rapport à l'axe des pôles. Un petit peu, ça veut dire quelques degrés. En l'occurrence, là, c'est 8 degrés et quelques. Polaire, donc, ça veut dire qu'on survole les pôles. Polaire, ça serait un plan qui contient l'axe des pôles. Et là, c'est un plan qui est un petit peu incliné par rapport à l'axe des pôles. Alors, pourquoi? C'est pas juste... Il y a deux aspects à ça. On utilise en observation de la Terre, en orbite basse, des orbites quasi polaires, parce que la Terre ayant le bon goût de tourner sur elle-même en un tour par jour, le satellite fait à peu près une quinzaine de tours sur lui-même dans son plan. Donc, le temps passant, on est en mesure d'accéder à n'importe quelle zone de la Terre en longitude. Voilà, ça c'est le principe de base. Ensuite, pourquoi elles sont un petit peu inclinées comme ça et pourquoi elles sont inclinées de 8 degrés? Alors, c'est lié à une caractéristique particulière de la Terre, qui n'est pas une boule parfaite. C'est un patatoïde un peu renflé à l'équateur, un petit peu aplati au pôle. Et cet effet renflé, patatoïdal, un peu gonflé à l'équateur, induit en fait un effet sournois dans la force de gravité exercée par la Terre sur le satellite, qui va faire tourner le plan de l'orbite. Tourner au sens tourner dans l'espace absolu par rapport aux étoiles. Ce plan va se mettre à tourner, il ne va pas rester fixe autour de la Terre. Alors, on passe à un cran supérieur. La Terre, elle tourne aussi autour du Soleil en un an. Et cette Terre tournant autour du Soleil en un an, si le plan de l'orbite restait fixe par rapport aux étoiles, eh bien, il y aurait des périodes de l'année où on n'aurait plus du tout la même heure, voire on serait toujours dans l'obscurité. L'heure locale, la direction du Soleil par rapport au point visé, évoluerait énormément. Donc il se trouve que cet effet... patatoïdale de la Terre induit une force de gravité supplémentaire à la gravitation standard qu'on apprend en terminale, qui fait tourner ce plan avec une vitesse de rotation bien précise, que les spécialistes de mécanique spatiale savent calculer, et qui relie l'inclinaison du plan de l'orbite à l'altitude. Et donc il y a une loi qui permet de dire, si je règle l'inclinaison qu'il faut pour mon altitude de 700 km, de telle manière que mon plan il va tourner exactement autour du Soleil en faisant un tour par an comme la Terre, je vais maintenir l'heure constante. Et ça, ça s'appelle les orbites héliosynchrones. Alors, il me faudra un tableau, en fait, parce que c'est pas facile à c'est expliquer sûr, avec les doigts sûr. Et un micro. Mais on les choisit comme ça, et toutes les orbites d'observation de la Terre, des satellites, sont héliosynchrones. Ça permet d'avoir des conditions d'éclairement constants au fil de l'année. Et donc, on profite de cet effet naturel de la gravité terrestre. Voilà. Donc, votre deuxième question, c'était comment... voilà, tous ces satellites sont à peu près sur des orbites qui sont à différentes altitudes. Mais en gros, la loi dit, si vous visez une altitude de 800 km, vous êtes incliné de 9 degrés. Si vous visez 700 km... Enfin, il y a une formule, voilà. Au moins, c'est clair. Ouais. Formule qui suffit d'appliquer et qui marche très bien. Voilà. Et donc, après, les satellites, vous parliez du lancement ? Oui, le lancement. Comment s'est passé le lancement ? Ah bah, un lancement, en fait, on prend un lanceur et on met un satellite dans la coiffe. Et là, les satellites Pléiade ont été lancés par Soyouz depuis Kourou. Voilà. Donc, c'était le deuxième lancement Soyouz, d'ailleurs. Donc, on a serré un petit peu les fesses lorsque ça s'est passé, mais ça s'est très bien passé. Et donc, il y a eu... Soyouz, c'est quand même un des... Enfin, le lanceur... C'est un lanceur largement éprouvé, qui a fait des milliers de tirs réussis. Le lanceur le plus fiable. Le plus fiable du monde. Mais son implantation sur le pas de tir de Kourou, avec les modifications de mise en œuvre, plus le fait que c'était un lancement multiple, c'est-à-dire qu'il y avait Pléiade au milieu, il y avait que quatre satellites qui s'appelaient ELISA autour, il y avait un tout petit satellite qui était caché dessous dans une coquille, qui était un satellite d'observation pour le Chili. Et donc, il y avait 6 satellites lancés en une seule fois sur Pléiade 1A. Et donc, avec des mises à poste, avec des positionnements à des orbites différentes, puisqu'on ne va pas tous les mettre au même endroit, pardon. Voilà. Je voulais une belle image de mon jardin pour la voir vite et qu'elle soit gratuite. J'ai trouvé une idée, je suis un malin. Mis une bombache dans mon bassin à truite. Après le boom vint un tremblement de terre. La charte fut activée et j'ai été fier d'avoir une si belle photo, même si mon jardin était complètement détruit. Ah bah c'est malin. Bonjour, je suis intrigué par la page qui parle de vaccination. Je ne voyais pas trop le rapport. On voit pas, qu'est-ce qu'on voit sur ces deux images de la page 8, je crois. Ça m'intrigue beaucoup. Alors, la vaccination. Il y a quelqu'un à côté de moi qui dit qu'on... C'est quoi votre... La taille des moustiques, je disais. Il y a des moustiques de 70 cm ? Je ne sais pas. On va voir. Ah, vous savez que pour les risques épidémiologiques, Pléiade, bon, ça peut être un autre sujet, mais ouais. Par exemple, on sait que les moustiques aiment les points d'eau. Ça, les points d'eau, vous pouvez les identifier justement avec un satellite comme Pléiade. Donc ça peut être utilisé justement pour voir où vont les moustiques. Donc, je vais juste reprendre la page 8. Vaccination contre la polio au Nigeria. Donc ça, c'est une étude, une étude plus une application commerciale, mais dans un but humanitaire. Donc ça avait été supervisé par Airbus, et ça a été une étude qui a été réalisée par Jim, qui est un partenaire belge d'Airbus. Et en fait, donc en 25 ans de vaccination contre la polio, donc la polio a été éradiquée à 99%. Sauf qu'en 2012, il y a eu 122 cas recensés de cas de polio recensés au Nigeria. Donc, la question s'est posée, en fait, c'est qu'il fallait faire une campagne de vaccination massive. Donc pour cette société, en fait, pour les besoins d'une ONG, a cartographié donc 200 000 km² du Nigeria. Parce que, en fait, les médecins devaient savoir où aller pour vacciner, devaient savoir où se trouvait la population. Or, on n'a pas de carte précise au Nigeria, on n'a pas de nom de rue. On ne sait pas où se trouvent les maisons. Donc le but, grâce à Pléiade, c'était de pouvoir dire aux médecins, bah, regardez, là, on a de l'habitat, il faut aller ici. Ici, on a quelques maisons isolées, il faut aller à cet endroit-là. Et donc, il y a eu toute une campagne, en fait, et qui a été orchestrée, c'était vraiment avec c'était fait un peu en direct, pratiquement, avec les médecins. C'est-à-dire que les médecins se trouvaient à un endroit. Il y avait des images Pléiades qui étaient acquises. Là, le Jim a donc créé une chaîne de production pour pouvoir en fait cartographier donc les villes, les villages, les habitations. On a eu 500 000 habitations qui ont été identifiées sur ces images. Et donc ça permettait aux médecins de savoir où ils devaient en fait, où ils pouvaient rencontrer la population. Et ce qui était réalisé en fait, c'est que les acquisitions des images, elles étaient faites là où après les médecins devaient aller. Donc ça suivait en fait le parcours des médecins pour qu'ils aient le plus rapidement possible l'information. Et donc il faut savoir que il y a donc une vaccination massive donc au Nigeria contre la polio, donc des jeunes enfants, hein. Du coup la polio a été éradiquée en 3 ans au Nigeria grâce à cette vaccination massive. Alors il y a donc deux images. Donc à l'aide de l'imagerie de Pléiade. Alors il y a donc deux images. Il y a l'image en haut à gauche. Ça c'est l'image brute. Ça c'est ce qu'on voit. Ouais. Donc c'est l'image brute, c'est ce qu'on voit. Et l'image de droite, l'image en bas à droite. On voit qu'il y a des maisons, des pistes, des chemins. Et après à droite, en bas à droite, vous avez ce qu'on appelle un produit cartographique. Donc l'information a été extraite. Donc ce que vous voyez, les parties en violet, c'est là où on a des habitats assez denses. On a les routes aussi qui sont tracées en rouge. En jaune clair, on a les chemins, les pistes. Et vous voyez aussi des cercles orange. Là, ce sont les habitations isolées. Donc, c'est vraiment de l'identification unitaire de l'habitat. On a aussi le fleuve, bien sûr, en bleu. D'autres interrogations, peut-être ? Oui, bonsoir. En fait, j'avais deux questions, l'une liée à l'autre. La première question, c'est... Aujourd'hui, on voit qu'on a une résolution d'à peu près 70 cm grâce aux images. Qu'est-ce que vous feriez, vous, avec une résolution de 50, 40 ou 30 cm avec les mêmes images ? Et l'autre question qui est un peu en lien, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de reconnaître des personnes avec les images de Pléiade ? Et par exemple, est-ce qu'on est capable de suivre un mouvement de personnes, par exemple dans le désert, de suivre sur plusieurs jours des mouvements de personnes ou des mouvements de troupes ? Alors, au niveau de la résolution, effectivement, une meilleure résolution, une résolution plus fine va ouvrir la porte à de nouvelles applications ou alors une meilleure précision dans les résultats que l'on peut avoir. Moi, ce que je verrais vraiment l'apport, ça serait pour les risques. Au niveau d'une meilleure résolution, notamment pour l'identification des habitats endommagés en cas de cyclone. Cyclone, tsunami, tremblement de terre. Donc là, on a vraiment un apport. Et puis, on va avoir d'autres applications qui vont être... On est justement, pendant le programme préparatoire de Pléiade, on a montré les limites de la résolution au niveau de la viticulture. En fait, le but, c'était de savoir si on arrivait à bien quantifier les rangs de vignes. Donc des études avaient été faites dans le Bordelais. Dans le Bordelais, on a des vendanges qui vont être manuelles ou des vendanges qui vont être faites par des machines. Et en fait, l'écartement des rangs de vignes va être différent. C'est-à-dire pour les machines, il faut des écarts en fait qui sont de l'ordre, on va dire, de 1,50 m. Donc ça, on arrive très bien du coup à discerner les rangs de vignes. Pour les vendanges manuelles, on n'a pas forcément besoin d'avoir des écarts importants entre les rangs de vignes, donc on va être à 1 m. Et là, on est vraiment limite de résolution de Pléiade, et ça a montré qu'on ne pouvait pas pour certaines parcelles de vignes, on ne pouvait pas utiliser Pléiade. Donc là, voilà, ça c'est un exemple où du 25-30 cm sera un apport non négligeable. Alors, j'ai complété sur l'aspect résolution et ce qu'on peut voir ou ne pas voir en fonction de la résolution. Alors, c'est vrai que 70 cm, c'est ce qu'on appelle une image très résolue. Mais il y a des images plus résolues que ça aujourd'hui. Et puis, vous êtes tous allés au cinéma et on voit parfois dans les films américains des satellites pilotés au joystick depuis la Maison Blanche où on reconnaît le terroriste et on voit même que c'est une femme, par exemple. Bon. Alors ça n'existe pas depuis l'espace. C'est strictement impossible. Et alors, si on part du 70 cm pour savoir ce qu'on peut voir avec, 70 cm, c'est à peu près à peine plus petit que cette table. Donc, Claire et moi, on fait moins d'un quart de pixel de Pléiade si on se met à côté. Donc, en aucun cas, on peut identifier une personne avec une image à 70 cm. On peut, en revanche, voir des mouvements de groupes de personnes parce qu'elles vont faire un gros bloc, elles vont faire de la poussière, elles vont éventuellement avoir des véhicules, il va y avoir tout un environnement. Les véhicules, oui, les véhicules, bien sûr. Les véhicules, on peut les identifier. Les véhicules, on peut tout à fait les identifier, pas les tout petits, on peut pas voir les motos et les Twingo, ça fait pas beaucoup de pixels. Mais quand c'est un gros camion syrien, là, on le voit quand même mieux. Voilà. Et donc après, quand on va descendre à 40 cm, 30, je sais plus jusqu'où vous étiez allé, mais bon, mettons, on descend jusqu'à 20 cm, bah effectivement, on va améliorer l'identification, comme l'a dit Claire, de tous les petits objets. Et là, il y a tout un domaine à très haute résolution qui ressemble à celui de l'image aérienne, où on peut identifier les petits objets construits par les hommes, voilà, schématiquement. Mais même à 25 cm, vous ne reconnaîtrez pas votre voisin, parce que son visage fera un pixel, ce qui est insuffisant. Vous parlez du programme préparatoire Claire Tinel. Donc il y a eu effectivement un programme préparatoire avant le lancement des Pléiades. Quel était son objectif ? Alors effectivement, il y a eu un programme qui a été initié en 2003. Donc ça, c'était pour que les utilisateurs puissent s'approprier l'image Pléiade avant même qu'elle n'arrive. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que donc il y a eu les lancements de Spot 1. C'est finalement se préparer à son utilisation. Se préparer, ouais, à l'utilisation, à une résolution submétrique. Parce qu'on allait passer de 2,50 m à 70 cm. Donc on ne voit pas la même chose, on n'a pas les mêmes besoins, ça ne fait pas un même volume de données. On a des algorithmes d'extraction d'informations qui peuvent être différents. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que après que le dernier Spot 5, ait été lancé, le constat a été fait, en fait, que les images satellites étaient très peu utilisées par les institutionnels. Donc là, le CNES a voulu, en fait, faciliter l'accès à l'imagerie spatiale, et donc a mis en place ce programme. Non seulement a mis en place ce programme, a également lancé ce qu'on appelle la DSP, donc la délégation de services publics, qui permet aux institutionnels d'avoir des images satellites Pléiade à des tarifs vraiment préférentiels. Donc le tarif préférentiel, je connais pas les tarifs exacts commerciaux, mais on dira que ça sera à peu près 3-4 fois moins cher que les tarifs même, ouais, commerciaux. Non seulement les tarifs donc sont moins chers... Pour les institutionnels, hein, pour les institutionnels. Alors pour les scientifiques, il y a un autre programme. Les institutionnels, pardon. Donc ça, c'est pour les institutionnels. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que qu'une image a été achetée par un institutionnel, il peut la partager avec tous les autres institutionnels français gratuitement. Donc on a aussi le partage de la donnée. Pour les scientifiques, on a un autre programme qui s'appelle ISIS. Et en fait, par ISIS, le CNES prend en charge 85% du coût de l'image. Donc il ne reste plus que 15% pour les scientifiques. Donc 70 cm de résolution, un satellite qui est agile, qui peut faire de la stéréo, de la tri-stéréo. Ça, il fallait se préparer à ça. Ce n'était pas évident pour les utilisateurs potentiels. Ce n'était pas évident, voilà, ouais, parce qu'on gagnait en résolution. Donc ça a marché, votre programme. Vous avez réussi à les mobiliser. Vous avez réussi à faire comprendre tout l'intérêt. Alors justement, il a fallu monter, en fait, il y a eu fédérer toute une communauté. Donc on a commencé en 2003 à recueillir les besoins dans diverses thématiques. Hein. Donc on a parlé de géologie, on a aussi l'hydrologie, le littoral, donc cartographie, forêt, agriculture. Donc là, il y avait vraiment plein de besoins particuliers. Et après, et avant, ce qui s'est passé, c'est que pour pouvoir tester cette résolution symétrique, ben, il a fallu faire des études, hein, des études de faisabilité, des études thématiques sur des images. Alors, sur quelles images ? Il fallait des images un peu à la résolution symétrique. Il fallait donc, des images simulées. Alors, simulées, hein. Voilà. Donc, en partant d'images aériennes, par exemple, dégradées à la résolution de Pléiade. On a aussi acheté quelques images de satellites américains, puisqu'à l'époque, on avait déjà des images symétriques. Et là, en fait, le but, c'était que toute cette communauté soit prête dès le lancement de Pléiade pour pouvoir en fait tirer le plus parti de l'information contenue dans les images. Et donc après le CNES, donc la suite de ce programme, ça a été 2 ans, ce qu'on appelait d'une recette thématique utilisateur, 2 ans qui ont donc de 2012 à 2014, donc juste après le lancement du premier Pléiade, où là le CNES a subventionné, donc en partenariat avec Airbus, a subventionné des images Pléiade pour les scientifiques et institutionnels. Donc là, on a mis en place tout un groupe d'études. Il y a eu 130 études qui ont été réalisées dans diverses thématiques. On a eu 60 laboratoires scientifiques institutionnels qui ont fait partie en fait de ce programme. On a imagé plus de 600. On a eu plus de 600 images, dont 15-20% de tristéréo sur plus de 150 000 km². Et donc pendant 2 ans, en fait, on a alimenté toute cette communauté. Ça s'est terminé par une conférence où tous les résultats ont été présentés et on a pu voir en fait les progrès qui avaient été réalisés par cette communauté. Ça a permis justement de fédérer une communauté autour du submétrique, mais aussi de pouvoir enrichir cette communauté en compétences de traitement d'image, d'apport de l'information. Donc quand Pléiade est arrivé, voilà, la communauté était prête à utiliser l'outil. Parce que comme vous l'avez dit rapidement, mais c'est que quand Spot est arrivé, finalement les utilisateurs n'étaient pas présents, n'étaient pas là, ils ne savaient pas utiliser les images Spot. Alors ils n'étaient pas, surtout en fait, ils n'étaient pas forcément au courant de l'intérêt de l'imagerie satellite. Ils ne savaient pas, les institutionnels ne savaient pas que l'imagerie satellite pouvait être d'intérêt pour eux, utile. Et puis on était à ce moment-là, au moment de la mise en place d'Orfeo, de ce programme, donc dans les années 2000, et on a eu toute une évolution sociétale aussi dans les années 2000, justement avec, au niveau institutionnel, donc on a eu des directives européennes, nationales qui ont été mises en place, les bonnes pratiques environnementales au niveau de l'agriculture, les cadres LEU, les directives nitrates, les lois Grenelle de l'environnement, et tout ça en fait, finalement, on s'est aperçu que les institutionnels se sont dit, tiens, on pourrait utiliser l'imagerie satellite. Il y avait un besoin là, qui, autour de l'environnement, qui était né, qui était apparu. D'autres interventions peut-être ? Sinon, on va aller continuer à feuilleter notre petit livret. Si on va en page 4, on a le Mont Saint-Michel, là, vu à plus de 1000 km. C'est Philippe Kubik, c'est vous qui avez proposé cette image. C'est une de mes images préférées. C'est une image qu'on a extrait. En fait, lorsqu'on lance un nouveau satellite, il se passe à peu près 2-3 mois où on règle ce satellite, on étalonne tout ce qui doit être étalonné, on le caractérise pour pouvoir ensuite avoir tous les bons réglages qui vont permettre de donner les clés, pas du camion, mais du satellite, aux utilisateurs. Donc ça s'appelle la recette en vol. Et cette image-là, elle a été acquise pendant la recette en vol, en hiver, puisqu'on a tiré les deux Pléiades en décembre, donc on a fait les recettes en vol de décembre à mars à peu près. Alors la légende qui est écrite, elle résume à elle seule finalement cette capacité de visée oblique précise. Donc c'est ce petit extrait du Mont Saint-Michel, il a l'air presque vu d'avion sur le côté. Et alors il faut vous imaginer que le satellite qui a pris cette photo, il se trouvait au-dessus des Pyrénées en fait. Donc au moment où il a pris la photo du Mont Saint-Michel, il était à peu près au-dessus des Pyrénées et il regardait à 50 degrés en arrière. Voilà. Donc, s'il avait regardé verticalement, il aurait eu une distance observée de 700 km. Là, par l'effet de projection, on est à plus de 1000 km de distance. Et donc, alors évidemment, cette image-là, elle n'est pas du tout à 70 cm, hein, puisque c'est plus loin, donc c'est moins résolu. Donc, la résolution est moins voilà, élevée. Elle est à peu près, mettons 1 mètre, enfin, j'en sais rien, j'ai pas fait le calcul, mais elle est au moins du double, je pense, elle est au moins de 1 m50. Mais bon, peu importe, c'est pas ça qui est important, c'est... l'aspect, une capacité précise de s'orienter dans toutes les directions. Voilà. Vous disiez qu'il faut étalonner, etc. Ça prend 3 mois, cette recette en vol, le moment où on va tester l'appareil, essayer de le connaître, de savoir ce qu'il a dans le coffre. Il y a une question que je me pose quand même, c'est, vous dites que c'est un télescope qu'on envoie dans l'espace, mais moi, mon télescope, j'y fais extraordinairement attention, il faut bien absolument en prendre soin, il ne faut pas taper dessus, les optiques peuvent bouger. Et là, vous l'envoyez avec des vibrations incroyables. On le met dans une fusée qui va décoller. Avec Soyuz. Et puis, il y a des vibrations incroyables au décollage pendant tout le vol. Exactement. Finalement, comment est-ce qu'on peut garantir qu'on va avoir une bonne image et que... Alors, ça se fait en deux temps. C'est-à-dire, d'une part, on a des industriels dont c'est le métier de fabriquer des satellites avec des instruments dessus qui résistent à l'environnement spatial, y compris le lancement, comme vous dites, sacrément agressif. Donc ça, c'est des règles de l'art d'ingénierie. Il y a des structures qui sont stables, il y a des liaisons qui sont construites pour être résistantes aux vibrations, etc. Et même dans le télescope. C'est-à-dire, le télescope, c'est un objet qui doit être stable. Il est conçu pour ça. Et donc, il est fabriqué... Pour répondre à sa mission pendant des années. Ensuite, néanmoins, le lancement se passe, et puis, même si le télescope a bien résisté au lancement, en général, ça se passe bien, il n'est pas parfaitement connu en orbite, en revanche. Il n'est pas parfaitement connu au sens, on ne connaît pas exactement la position précise des détecteurs dans le plan focal du télescope, on ne connaît pas exactement comment les détecteurs répondent les uns par rapport aux autres, tout simplement parce que, au sol, quand je dis au sol, c'est quand le satellite est fabriqué dans les usines de fabrication chez Thales ou chez Airbus, dans les salles d'intégration, dans les salles d'essai, eh bien, il y a des moyens de mesure qui ont une précision limitée et qui n'est pas, celle dont on a besoin en orbite. Alors, je donne un petit exemple sur la géométrie, par exemple. On parlait du pixel qui permet de voir un grain de riz à 10 km de distance. Là. Donc, cet angle-là, c'est 1/1000ème de radian. Alors, pour les astronomes, c'est 0,2 secondes d'arc. Donc, c'est très, très fin. Donc, cet angle-là, c'est impossible de le mesurer précisément au sol avec des théodolites, des appareils de visée précis, etc. Les gens d'Airbus, ils ne peuvent pas se mettre devant le télescope avec leur truc à pointer et dire, là, oui, ça fait... une arc seconde ceci, etc. Non, l'angle, c'est la précision. Voilà, la précision de positionnement de tous ces pixels dans le champ d'instrument. Et donc, ils vont avoir une précision, mettons, de 20, une vingtaine, une trentaine d'arc seconde. Bon. Une vingtaine, trentaine d'arc seconde de précision, vu de l'espace, ça fait 80 mètres d'erreur. C'est énorme, 80 mètres d'erreur. On veut des images localisées à 3-4 mètres. Donc, on est obligé de re-étalonner en orbite, en prenant des images de zones bien précises de la Terre sur lesquelles on a des points parfaitement connus. Donc des points de référence, ça peut être des croisements de route, ça peut être un poteau avec une couleur particulière, ça peut être tout un tas de repères dont on dispose dans une base de référence. Ça nous permet de mesurer la géométrie fine et ensuite d'avoir finalement, entre l'image brute qui descend et puis l'image qui va permettre de faire des cartes au Niger contre les moustiques, un traitement qui dit oui, le croisement de la maison au Nigeria, il est précis à 3 mètres près. Voilà. Et ainsi de suite, sur tous les thèmes, la netteté de l'image, c'est pareil. On ne sait pas. On sait mesurer au sol la façon dont l'image est nette. Par contre, la vie en orbite fait que le satellite il va vieillir naturellement, il va évoluer. Et on va être obligé, pour maintenir la qualité de l'image, de faire des mesures fréquentes de sa performance et éventuellement de re-régler des choses en orbite aussi. Voilà. Il y a un paramètre variable, un peu comme dans les appareils photo. C'est pas un autofocus qui se déclenche tout seul, mais il y a un mécanisme de refocalisation qui permet d'accompagner l'évolution naturelle de la focalisation du télescope pendant toute sa durée de vie. Voilà. Donc il y a tout un tas de choses comme ça. Si on va à la page suivante, on a quelque chose d'assez étonnant. Donc, c'est la page numéro 5. le satellite Envisat vu par Pléiade. Alors, cette image-là est très particulière. Cette image-là a été prise pendant la recette en vol encore de Pléiade. Alors, le satellite Envisat, c'est un énorme satellite de l'Agence spatiale européenne qui a été en orbite pendant pas mal d'années. C'est gros comme un autobus. Hein. Énorme. Il fait une dizaine de mètres de haut, il pèse 8 tonnes. Enfin, c'est un objet très, très, très, très volumineux. Et malheureusement, l'ESA a perdu le contrôle de ce satellite. Je connais plus la date de mémoire, mais bon, pendant la période où on faisait la recette en vol de Pléiade. Avril 2012, d'accord. Avril 2012. Et à cette époque-là, on était en train de... On parlait de l'agilité de Pléiade, donc de sa capacité à s'orienter dans toutes les directions. On avait déjà mis en place des méthodes d'étalonnage de Pléiade en observant les étoiles, en observant la Lune. On a même fait une image de Jupiter juste pour voir, mais ça marchait bien. Et donc on avait déjà mis en place la capacité à se pointer un peu indifféremment dans n'importe quelle direction dans l'espace. Et puis en continuant les travaux, on s'est dit, sachant que dans les recettes en vol précédentes, on avait déjà fait des manips de satellites pris par d'autres satellites. On avait fait ERS1, satellite radar de l'Agence spatiale européenne, vu par Spot 4. On avait fait ERS2, vu par Spot 5. Et là, on s'est dit, avec Pléiade, un satellite aussi manœuvrant et précis, on doit pouvoir faire des images de satellites de manière en fonction des opportunités. Et là, l'opportunité, elle était manifeste, puisque l'ESA ne savait pas dans quel état était son satellite. Et nous, on s'est dit, on peut faire une image, faisons les calculs. Alors, faire les calculs, c'est assez compliqué. C'est-à-dire que vous avez... un satellite qui va faire l'image, qui est le satellite Pléiade, sur son orbite qui défile à 28 000 km/h dans un certain plan. Vous avez un satellite Envisat qui tourne dans un plan à peu près 150 km au-dessus, 200 km au-dessus, disons, aussi à 28 000 à peu près km/h. Hein, voilà. Donc tout ça se croise, donc il faut faire une prédiction de croisement, se croise à des vitesses absolument vertigineuses, et il faut aller orienter le satellite Pléiade pour être capable de faire une prise de vue en une fraction de seconde et saisir au vol l'objet satellite qu'on veut voir. Donc là, en fait, on a réussi à acquérir cette image-là, qui est très résolue, en fait. Le satellite, il est à peu près à 150 km de distance sur cette photo. Donc 150 km de distance, ça veut dire que l'image... c'est de la géométrie, c'est-à-dire que 700 km ça fait 770 cm, donc 150 km ça fait 15 cm. Donc là, le pixel sur Envisat fait 15 cm de précision. Voilà. Et ça a permis à l'Agence spatiale européenne de répondre à la question: est-ce que le panneau solaire est cassé ou pas? Dans quel état sont les antennes? Dans quelle orientation est le satellite par rapport à la Terre? Donc ça leur a donné un moment d'information. Bon, malheureusement, le satellite est perdu quand même. Ouais. Il ne marche plus. D'accord. Mais ils ont compris. L'anomalie, en quelque sorte, la façon dont ça s'était déroulé. Alors, ils ont compris l'anomalie, mais pas grâce à cette image, si, parce que non, ça les a aidés à Non, l'anomalie, elle était connue. Voilà. Ils ont analysé les télémesures et le bord, oui, etc. En revanche, ça a confirmé qu'il n'y avait pas eu un événement extérieur, ouais, une collision ou des choses, ouais, comme ça. Voilà. Alors, on peut regarder l'image après. Monsieur parlait tout à l'heure de la Corée du Nord. Ben, justement, on va en parler de la Corée du Nord. Claire Tinel, qu'est-ce que c'est que cette image étonnante? Donc on filme la Corée du Nord comme ça, on photographie, voilà, la Corée là, du Nord. Là, c'est encore une application, en fait. On leur a pas demandé la permission, plutôt, par hasard. Plus commerciale, donc ça aussi réalisé avec Airbus. Donc effectivement, on leur a pas demandé la permission. Bah, ce qui se passe en Corée du Nord... On a le droit, de toute façon, hein, de filmer depuis l'espace. Hein. Ce qui se passe, c'est en Corée du Nord, on a des informations, on ne sait pas démêler le faux du vrai, le vrai du faux, donc ça génère des inquiétudes au niveau international. Et donc, eh ben, on peut utiliser l'imagerie satellite pour pouvoir un peu se faire sa propre opinion, ou en tout cas essayer d'utiliser justement la photo-interprétation. Et donc ça, en fait, c'est une société qui avait demandé à Airbus d'imager. Donc c'est une société américaine qui fait de la collecte de renseignements de sécurité et de défense au niveau mondial, et puis ça permet d'avoir des informations pour des décideurs internationaux, pour des gouvernements. Et donc là, l'objectif, ça a été d'imager comment dire, les installations nucléaires de la Corée du Nord pour essayer de comprendre ce qui s'est passé vraiment. Parce qu'on n'a pas de plan, on n'a pas de plan des installations nucléaires, on ne sait pas ce qu'on y fait. Et donc là, il y a des photos interprètes, donc on parlait tout à l'heure des photos interprètes qui arrivaient à déterminer, à trouver les petites tentes sur les images de Katmandou. Là, c'est d'autres photos interprètes qui ont une autre spécialité. Et ils ont pu ainsi cartographier, mais expliquer, de donner une description détaillée des installations, de l'installation nucléaire de la Corée du Nord qui se trouve à peu près dans le centre de la Corée du Nord. Donc effectivement, on a plusieurs... plusieurs extraits en fait de cette interprétation. Si on regarde déjà cette image, ouais, on voit bien effectivement différentes installations. Des installations, on a pu déterminer quels étaient les complexes qui faisaient des complexes de support, quels étaient les complexes où se trouvaient les réacteurs. Les réacteurs de telle puissance, là où on fabriquait, on avait l'énergie, le fuel. Donc voilà, ça permet d'avoir une idée de ce qui se passe. Et puis après, ça a été réalisé encore plus en détail. Alors regarde la page suivante. Donc page suivante, donc on a l'image donc en haut à gauche. Et là, on rentre vraiment sur essayer de comprendre quels sont les process, qu'est-ce qui se passe dans ces bâtiments, par où le combustible arrive, où est-ce que l'uranium est enrichi, des choses comme ça. Donc là, c'est pareil, ce sont des photos interprètes qui sont habituées à décortiquer ce type d'image, et ils arrivent vraiment non seulement à identifier les bâtiments, mais à donner un peu à savoir, ça passe d'abord par tel bâtiment, puis par tel bâtiment, vraiment donner des indications sur les processus nucléaires. Et il y a une autre image là, donc ça c'est un autre moyen d'information, donc c'est toujours sur ces fameuses installations nucléaires. En bas à droite. En bas à droite, on a eu deux acquisitions, donc l'hiver, il y a de la neige, deux acquisitions donc à 5 semaines d'intervalle. Et donc normalement, en fait, la fonte des neiges, donc soit ça fond pas, s'il fait toujours aussi froid, s'il a reneigé, ou si ce qu'ils font, en fait, c'est au niveau des toits, c'est tout ce qui va être côté versant sud, quoi, hein, versant vers le soleil. Là, ce qu'on voit, c'est qu'on a effectivement de la fonte des neiges. Donc vous regardez le long bâtiment, là, sur la droite, on a un long bâtiment avec deux pentes, et puis on voit qu'on a justement sur la pente qui est le plus vers le bas, on a une fonte de neige qui n'est pas régulière, qui est vraiment irrégulière. On a également sur les deux petits bâtiments qui sont juste au-dessus de ce grand bâtiment, on voit pareil qu'on a une fonte des neiges. Donc là, l'interprétation, c'est que la neige a été fondue à cause de la ventilation. Et donc ça montre que ce sont des bâtiments qui sont... ils sont chauffés, tout simplement. Et ils sont chauffés, plus ou moins chauffés, donc ce sont des bâtiments actifs, où il y a vraiment de l'activité. On voit aussi sur la gauche de l'image, on voit vraiment qu'on a une fonte au niveau des toits qui n'est pas du tout régulière. Donc là, l'image de haut, le 1er janvier, on commence à avoir justement une tache noire là, qui apparaît, et deux taches noires, et qui se sont agrandies donc 5 semaines plus tard. Donc ça permet justement, non seulement, donc quand on n'avait pas la neige, on a pu identifier un peu à quoi pouvaient servir ces bâtiments. Maintenant, là, la neige, ça fait un peu, on n'a pas de satellite thermique. On a un satellite qui est d'observation de la Terre, donc dans le visible, mais ça nous permet de voir un peu l'activité thermique en fait de ces bâtiments. Bon, voilà qui est clair. Est-ce que ça vous inspire des interrogations, des questionnements ? Je crois que ça inspire Xavier. Oula, on se sent en Corée du Nord là. C'est pas joyeux, excuse-moi. On va bientôt se quitter, hein, donc si vous avez encore des interrogations, c'est le moment. Moi, j'avais une question supplémentaire. On arrive à faire donc des satellites assez extraordinaires dans le domaine de l'optique, du visible, avec toute la filière SPOT, avec Pléiade. Est-ce qu'on est, nous, France, parce que c'est un satellite français, hein, capable de de valoriser ce savoir-faire en le vendant à des clients pour lesquels on pourrait les aider à réaliser leur propre satellite ou même le réaliser pour eux. Alors oui, et puis c'est déjà fait, oui, ça a été fait plusieurs fois. C'est-à-dire que ces savoir-faire qui ont été mis en œuvre là pour fabriquer Pléiade, ils sont déployés par les industriels pour répondre à des offres export. Répondre à des appels d'offres export plutôt. Donc il y a eu des ventes de satellites à la Thaïlande, des ventes de satellites à Taïwan, à l'Algérie, le Chili, en ce moment le Pérou. On a vu dans la presse il y a quelques temps un contrat très important pour les Émirats Arabes Unis, de satellites très performants d'observation de la Terre. Donc oui, en fait, ce savoir-faire, cette capacité à construire du satellite pour en faire de l'activité économique dans les exportations de la France, elle est indéniable. C'est en place. C'est en place. Et c'est vraiment, en fait, en Europe, la France joue le rôle de c'est le fer de lance de l'observation optique, c'est la France, en fait. Il y a un partage à peu près établi entre l'optique en France et puis le radar en Allemagne et en Italie. Voilà. Le radar, c'est vraiment l'Allemagne, hein, c'est vraiment leur grande spécialité. Ouais, l'Allemagne et l'Italie aussi. D'accord. Ouais, et comme c'est un pays qui a pas mal de couvertures nuageuses, c'est une des raisons. Non, mais c'est vrai. Peut-être. Je ne sais pas si ça vient parce que justement, ils voulaient voir l'Europe de l'Est, ouais. Un peu, enfin l'Allemagne de l'Est, voyez ce qui s'y passait un petit peu, et donc. Alors, on s'est partagé le travail entre l'Allemagne et puis la France. Alors, les Pléiades, ça a été fait entièrement par la France ? J'ai vu quand même qu'il y avait la Suède fournit des participations. La Suède fournit le calculateur de bord, l'Autriche, la carte d'interface du calculateur. Il y a même les Suisses, il y a des la Belgique, l'Espagne, une antenne, le mécanisme d'obturateur, des batteries du Royaume-Uni, un magnétomètre d'Israël. Ouais. C'est à peu près, il y a à peu près 4. Ça, c'est des choses qu'on achète ou ensuite, ou c'est des parts que tous ces pays prennent dans Pléiade. Oui, c'est ça, c'est des parts. C'est-à-dire qu'il y a une communauté historique issue de Spot, essentiellement constituée de la Belgique, la Suède et la France, qui contribuent dans le programme à apporter des bouts et en contrepartie, ils ont quelques pourcents de capacité. Comme droit, voilà. Après, effectivement, il y a la Suisse, il y a l'Espagne. L'Espagne a fait partie des membres fondateurs de Pléiade, mais pour des raisons économiques, en fait, ils l'ont quitté. C'est-à-dire qu'il y a eu un centre, il était prévu, un centre de réception et de traitement à Torreón, et finalement, les situations budgétaires espagnoles n'ont pas permis de le faire. Voilà. Donc on va continuer à voir toute la variété des applications avec la page 10 et vous, Madame Tinel, on va parler des densités surfaciques et volumiques urbaines. De quoi est-ce qu'il s'agit exactement ? Pléiade avec sa précision, donc c'est utile pour l'aménagement du territoire et notamment pour l'urbain. Là, en fait, c'était une étude qui avait été réalisée par le Centre d'études et de recherche, justement, du ministère de l'Environnement, sur l'estimation, comment était réparti, en fait, donc c'était sur Toulouse, comment est réparti le bâti sur la ville de Toulouse. Voilà. Comment est réparti ça, le bâti au niveau surface ? On ne le sait pas ? Non, on ne le sait pas. On ne sait pas forcément combien de mètres carrés sont occupés par le bâti. Et ça permet, on va voir après, c'est surtout que ça permet d'avoir une représentation visuelle, en fait. Et donc là, comment on arrive en fait à avoir ces densités surfaciques ? Donc ça, c'est pour l'aménagement du territoire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ville, l'aménagement du territoire en ville, c'est le but, c'est de densifier. Les villes. En fait, les villes ne s'étalent pas tant que ça. Le but actuellement, c'est de repérer ce qu'on appelle les dents creuses. Les dents creuses, ça va être des endroits en fait qui n'ont pas été bâtis dans les villes, qui sont entourés par des endroits bâtis, et il faut donc densifier, donc construire, et ben en volume. On le voit sur certaines villes où on a des programmes. Maintenant, à l'intérieur des villes, on ne construit plus des lotissements, on va construire des immeubles. L'intérêt d'utiliser Pléiade, c'était de faire une image, donc là sur Toulouse, et puis à partir de cette image, c'était faire de la classification, comme on a vu tout à l'heure pour Port-au-Prince. Alors comment on va faire cette classification ? On va essayer donc de d'identifier tout ce qui est bâti. Alors bâti, bah, ça va être des toits. Mais des toits, donc Toulouse, la ville rose, voilà, parce qu'on a des tuiles roses, mais des tuiles roses de différentes couleurs de rose. On a aussi des bâtiments industriels avec des toits gris. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aider ces logiciels de traitement d'images. Et à la main, en fait, on va prendre une vingtaine d'échantillons en disant ça, ce sont des toits. En gros, pour faire différentes sortes de toits. Et du coup, le logiciel, eh ben, il va comparer tous ces échantillons avec tous les pixels dans les différentes bandes spectrales. Et du coup, il va pouvoir déterminer justement si c'est des toits, si c'est de la végétation. Donc, on va faire la même chose avec la végétation, différents types d'arbres. Hein, les arbres, la couleur en fait des feuilles n'est pas la même selon les arbres. Au niveau de l'eau, vous allez avoir un fleuve, de la piscine, c'est pas la même couleur d'eau. Et donc, on va extraire en fait ces différentes classes. Et donc, extraction de végétation, bâtiment, voirie. Et là, au niveau du bâti, l'intérêt... Donc là, on arrive à l'image A. Oui. L'image A, où vous voyez tout ce qui est en jaune, c'est le bâti, en vert, la végétation, et en gris, c'est tout ce qui est voirie. Et donc, l'idée, en fait, c'est d'appliquer, donc extraire tout le orange, ne prendre que le orange, et d'appliquer dessus ce qu'on appelle un modèle numérique d'élévation. Donc, on en a un peu parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est, en fait, ces modèles numériques d'élévation? Et ben, c'est la hauteur. On veut connaître la ville en 3D. On veut connaître la ville en 3D. Donc ça, ce modèle numérique d'élévation, il peut être réalisé par Pléiade. Bon, en ville, c'est compliqué, mais ça peut être réalisé par Pléiade. En l'occurrence, là, c'était un modèle numérique d'élévation qui avait été réalisé par IGN. Donc avec l'aide de relevés LIDAR et de relevés terrain. Et puis on va plaquer ce modèle sur le bâti et on va pouvoir dire, bah tiens, ce bâtiment, bah, il fait telle hauteur, cet autre bâtiment à côté, il fait telle autre hauteur, et on va pouvoir classer. Donc là, c'est ce qui a été réalisé dans l'image B, où on montre que les bâtiments avec donc des hauteurs qui varient entre 5 et 35 mètres. Et l'intérêt, en fait, d'avoir... donc là, on a ces hauteurs. Alors, d'une part, si on veut ce qu'on appelle la densité surfacique. La densité surfacique, c'est la surface qui est occupée par le bâti sur la surface... donc ici, ça a été... ce que vous voyez, les parcelles, en fait, ce sont des îlots de l'INSEE. De l'image C, là. De l'image C. Ce sont les petites parcelles, en fait, ce n'est pas du cadastre. Ce sont des îlots définis par l'INSEE, des îlots urbains. Et en fait, on calcule le rapport de l'occupation du bâti sur ces îlots, et ça nous donne en fait des valeurs plus ou moins élevées qui nous montrent, après à l'échelle de la ville, quels sont les endroits qui sont plus ou moins bâtis. Et si on fait la même chose, donc cette fois-ci, on va faire le rapport de la hauteur par rapport à la surface, là, on va avoir la densité volumique. Et là, c'est l'image D. Donc là, c'est l'image D. Donc typiquement, vous voyez sur l'image C, au milieu, on a une plage un peu jaune. Un polygone jaune. Donc, c'est-à-dire que c'est un endroit qui n'est pas complètement recouvert en fait, par du bâti, hein, qui est dont la surface est très peu couverte par du bâti. Par contre, on a une couleur assez foncée qui montre qu'en fait, bah, c'est peut-être pas beaucoup de bâtiments, mais les bâtiments sont hauts. Voilà, c'est ça. Donc la première image, l'image C, montre que quelque chose qui est jaune, bah voilà, c'est il y a peu de, c'est pas très bâti, hein, cette parcelle, mais on voit qu'il y a des bâtiments qui sont quand même très hauts. Alors si on regarde l'image suivante, d'après, l'image 11, et ben en fait, c'est la même chose, mais à l'échelle de la ville de Toulouse. Donc vous avez l'image Pléiade en A, en B, la sortie, donc la chaîne de traitement, la classification, et les densités surfaciques en C et densités volumiques en D. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est que ça fait vraiment un support visuel au niveau des collectivités territoriales, au niveau des décideurs, de pouvoir en fait, réfléchir vraiment sur des supports visuels. Là, on voit très bien que dans le nord de Toulouse, on a une densité volumique et une densité surfacique qui est assez faible. Ben, on va peut-être du coup porter nos efforts sur cette partie de Toulouse. Bon, on va continuer un petit peu, hein, peut-être un peu plus rapidement parce qu'on va bientôt s'arrêter. Donc si on regarde la page 12. On est dans la plaine de Bièvre-Valoir. Voilà. Et là, on va parler d'agriculture. Donc là, on est dans l'Isère. On est dans l'Isère. Et je parlais tout à l'heure des directives européennes. Et notamment, donc ça, c'est sur les bonnes pratiques agro-environnementales, sur les nitrates, en fait. Donc la directive aussi, la directive des nitrates, qui consiste à empêcher les nitrates de polluer l'eau et les nappes phréatiques. Et pour cela, en fait, les agriculteurs, on demande aux agriculteurs justement de mettre en place, donc pendant l'hiver, de mettre en place les moyens nécessaires justement pour piéger les nitrates en surface. En profondeur plutôt, non? Ou de les piéger, Que ça ne descende pas dans le sol vers les nappes phréatiques. D'accord, au contraire, donc ça les piège en surface. Donc c'est les piéger, donc on va mettre en place par exemple des cipans, ce qu'on appelle les cipans, des cultures intermédiaires piège à nitrate, ou par d'autres manières. Et en fait, le but là, c'est un peu du contrôle, en fait, quand même, sur les bonnes pratiques. L'idée, en fait, ce que vous montrent les images, c'est qu'il y a eu une image qui a été réalisée donc en juillet 2013, au moment en fait où les cultures étaient en train de pousser. Donc ça a permis de déterminer, alors selon donc ce que vous voyez là, donc page 12, ce sont les petits graphes. Et en fait, c'est... En bas, là, les... Les petites montagnes roses, jaunes et vertes. Trois des bandes Pléiades. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas rentré dans les détails, mais Pléiades, on a des différentes bandes spectrales qui sont le bleu, le rouge, le bleu, vert, rouge et proche infrarouge. Et en fait, on va avoir des réponses différentes selon l'occupation du sol. Par exemple, la végétation va fortement réagir dans le proche infrarouge. Et l'information que l'on va pouvoir récupérer au niveau du satellite, donc ça va être nos fameux détecteurs, ils vont avoir des valeurs numériques qui vont être différentes selon les bandes spectrales. Et selon ces valeurs, en fait, la répartition de ces valeurs va nous permettre de pouvoir classer, par exemple, les différentes cultures. C'est-à-dire qu'on va pouvoir déterminer où se trouve le maïs, où se trouve le colza, où se trouvent les autres cultures. On peut déterminer selon la réponse, à 700 km d'altitude où se trouve le maïs, où se trouve le colza, etc. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle la réponse spectrale de l'occupation du sol. Et ça c'est grâce au fait qu'on a plusieurs bandes spectrales. On ne pourrait pas le faire justement avec le pan chromatique, qui est juste en noir et blanc. Alors si on a la suite, la page juste après, c'est la page 13. La page 13. Donc l'illustration d'en haut, ça a été un produit cartographique qui a été réalisé à partir de la fameuse image donc réalisée au mois de juillet, où là en fait on a fait une classification des différents types de cultures, donc colza, maïs et autres cultures. Alors pourquoi le colza, pourquoi le maïs et pourquoi les autres cultures? C'est parce qu'en fait justement dans le cadre des bonnes pratiques agro-environnementales, selon les cultures, on va avoir des pratiques différentes en hiver. C'est-à-dire que le colza, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder les repousses de colza pendant l'automne sur le sol, et après on va mettre une culture d'hiver. Sur le maïs, pratiques environnementales. Voilà. Donc on attend que les agriculteurs Pour le maïs, comme les récoltes sont plus tard dans l'année, on n'a pas le temps de mettre en place une culture d'hiver, donc on va enfouir les résidus des cannes de maïs broyées. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça on le voit. Okay. Et puis pour les autres que colza et maïs, on va mettre des cultures d'hiver en place. D'accord. Et donc l'autre carte, donc en bas, c'est tiré d'une image de septembre, donc après les récoltes, après les moissons. Et l'idée, en fait, c'est de savoir, on avait du colza, et qu'est-ce qu'on a après? Est-ce qu'on a encore nos repousses de colza? Est-ce que l'agriculteur a bien fait ce qu'on attendait de lui? Voilà. Donc, vous voyez, on a différentes nomenclatures. Donc, en vert, c'est ce qui a été respecté par rapport à la culture précédente. en saumon, là, jaune clair, ne se prononce pas, nécessite une image suivante pour conclure, et bien tout simplement, c'est parce qu'on n'est pas sûr. Donc on voit qu'il y a eu des labours qui ont été faits. Donc ça, c'est justement Pléiade, avec sa résolution, nous permet de voir si des terres ont été labourées ou non. Avec Spot, on ne pouvait pas le voir. Donc si des labours ont été faits, ça veut dire que la terre a été préparée, donc ça a été semé, mais la végétation n'a pas assez poussé pour savoir ce qu'il y a derrière. Et on a quand même déjà en septembre donc quelques rouges qui nous permettent de dire ah bah là il a pas fait ce qu'il fallait. Donc ça c'est de l'aide au contrôle. C'est de l'agriculteur en fait, qui est en contravention là. Voilà, par rapport à ces déclarations aussi, parce que eux déclarent leur type donc de là, on est vraiment surveillé là. Alors ça c'est de l'aide au contrôle en fait, parce que on va pas pouvoir les inspecteurs sur place ne savent pas où aller, donc ça permet en fait d'orienter les contrôles. Si on n'a pas le satellite, on est quand même à peu près sûr de passer entre les mailles du filet. Retour en Corée du Nord. Aïe. Dis-moi, King Jong, pourquoi ça fond? Pourquoi la neige fond? Tu te fâches? Allez, Kim Jong, fais pas le con. Vas-y, mollo sur les bombes vaches. J'ai l'expérience des explosions. J'ai fait sauter mon jardin hier et j'ai compris qu'il n'y a rien de bon à bricoler le nucléaire. Allez, Kim Jong, fais pas la tête. Laisse donc tomber la guerre une fois. Allez, Kim Jong, viens faire la fête. Buvons un coup et embrasse-moi. Pourvu qu'ils t'entendent. Est-ce qu'on a une dernière petite image à commenter? Oui, bon, on va juste aller rapidement. Voilà, le recul du trait de côte. On voit très bien, à chaque fois, on a des images de gauche et des images de droite. Sur les images de gauche, entre le trait bleu et le trait rouge, on voit qu'il y a encore de la végétation sur les images de gauche. Et sur les images de droite, la végétation est partie parce qu'il y a eu une tempête entre les deux. Voilà, c'est ça. Donc, Pléiade, on ne fait pas que espionner quand même. Hein. Voilà. Ça permet en fait de quantifier. Donc ça a été une demande de la sécurité civile française, puisqu'on a eu une série de tempêtes donc l'hiver 2014 sur le littoral girondin, mais également au niveau du Finistère. Et en fait, la sécurité civile française voulait quantifier un peu le recul de ce fameux trait de côte. Alors un trait de côte, qu'est-ce que c'est qu'un trait de côte? Il y a beaucoup de définitions du trait de côte. Là, on va se limiter, ça va être la différence entre la végétation et le sable, ça va être là où commencent les falaises, on va se limiter là-dessus. Donc on voit qu'effectivement, on a eu, le 12 janvier, c'était deux jours après la tempête, on a eu donc en Gironde un recul du trait de côte de 15 à 25 mètres sur certains endroits. Et là, au niveau du Finistère, on a eu un recul de 6-7 mètres et on voit qu'on commence à approcher sur toutes les maisons. Voilà, donc c'est ça qui est important en fait de déterminer. Ah, peut-être une toute dernière question, c'est l'avenir de Pléiade, Philippe Kubik. Est-ce qu'on prépare un Pléiade 2 comme il y a eu un Spot 2, Spot 3? On allait jusqu'à Spot 7, on va avoir un Pléiade 7 un jour? Alors, on va s'arrêter à Pléiade pour le nom. En revanche, il y a bien un programme en cours pour la suite. Donc, les deux satellites Pléiade, ils ont été conçus chacun pour durer 5 ans. Ils vont durer probablement le double. Donc, ils vont nous amener en 2020, 2022, quelque chose comme ça. Et donc, en ce moment, en fait, on mène avec sur initiative conjointe de la défense du CNES et avec les industriels Airbus et Thales. Qui sont impliqués dedans, on mène une étude qui s'appelle THRNG, donc ça peut vouloir dire très haute résolution nouvelle génération, qui consiste à étudier un satellite à peu près trois fois plus performant que Pléiade, qui offrirait des images à, disons, à 25 cm de résolution, avec un champ, alors pas forcément de 20 km, mais peut-être de 15 ou 16 km, parce qu'évidemment, plus on met de pixels, plus c'est difficile de faire un champ large. Hein. Sur Spot à Pléiade, on est passé de 60 km à 20. Là, garder 20 km avec des pixels trois fois plus petits, ça va être difficile. Mais il y a une volonté d'avoir un champ élevé, d'avoir une forte capacité de prise de vue, beaucoup plus élevée que celle de Pléiade actuelle, qui est déjà pas mal, qui est déjà assez élevée. Et puis surtout, en fait, il y a un défi. Alors, ce qu'on appelle un peu la course à la résolution, dans les satellites toujours plus résolus, toujours plus performants, faire de la très haute résolution, eh bien, c'est compliqué. C'est difficile. C'est-à-dire que faire de la très résolution, ça impose de faire des très grands miroirs. Parce que c'est la physique. Les astronomes qui regardent les étoiles, ils font des télescopes de 40 mètres de diamètre. Donc il faut des grands télescopes pour faire de la résolution. C'est pareil qu'on observe la Terre. Donc si on veut des grands miroirs dans des satellites pour observer la Terre, c'est pas facile à fabriquer, à maîtriser. Et si on veut... toujours maîtriser les coûts, c'est ce qu'on disait au début, hein, avoir un investissement qui reste à peu près constant pour encore améliorer d'un facteur 2 à 3 la performance, il va falloir faire un satellite peut-être plus léger, pas trop gros, facile à lancer, et s'il est plus léger, les miroirs vont être potentiellement moins rigides, plus déformables, et on va devoir imaginer des façons de garantir que l'image est toujours bien nette, avec cette espèce de télescope qui va être moins rigide qu'avant. Et ça va reposer sur des technologies qui sont très connues de la communauté des astronomes, qui s'appelle l'optique adaptative, où les gens qui observent les galaxies et les étoiles depuis le sol ont tout un tas de systèmes de recalage très fin de leur miroir avec des petits actionneurs derrière. On mesure en temps réel les déformations induites par l'atmosphère et on va corriger la surface du miroir pour que l'image soit parfaite. Donc il y a effectivement des petits actionneurs qui appuient un petit peu sur les miroirs pour modifier. On peut revisiter ce principe-là pour l'observation de la Terre, où là ce qui nous pénalise, c'est pas du tout la turbulence atmosphérique, parce que observant la Terre depuis l'espace à plusieurs centaines de kilomètres, en fait la couche d'air elle est au sol et elle nous gêne pas. En revanche, ce qui va nous gêner, c'est d'une part cette souplesse, cette déformabilité des optiques et de la structure si on veut un télescope pas trop cher et du coup un peu déformable. Et on va embarquer des choses qui vont mesurer les erreurs. Le satellite qui défile sur son orbite, il va être éclairé différemment par le soleil, donc potentiellement à cause de la température, il va pouvoir se tordre un chouïa à gauche, un chouïa à droite. Donc tout ça, ça peut modifier la netteté de l'image ou même la formation de l'image. Donc tout ça, on va le mesurer et l'utiliser pour mettre une correction avec un petit miroir déformable. Et donc ça veut dire qu'on embarque de l'optique active pour la première fois dans ce style de satellite. L'optique active, c'est la même chose que l'optique adaptative. Alors, c'est presque pareil, que l'adaptative, ça veut dire que ça va très très vite. Les astronomes corrigent à quelques centaines de hertz, c'est-à-dire plusieurs centaines de fois par seconde, leur effet d'erreur, alors que nous, on va le faire quelques fois par orbite. C'est déjà pas mal. Ok. Voilà. D'accord. Et on est obligé de le faire parce qu'on ne sait pas aligner au sol des grands miroirs qui soient allégés. Mmh. Les industriels ne savent pas le faire. Parce que même sous l'effet de la gravité, dans une salle blanche chez Airbus, un grand miroir de 2 mètres de diamètre, il va être tordu à cause de la gravité. Mmh. Et donc, il sera dans un état qui n'est pas celui qui sera en orbite. Voilà. Donc, c'est indispensable, en fait. Alors, il vous a pas échappé que hier, si je ne m'abuse, ExoMars a quitté la Terre pour la planète Mars, ExoMars 2016, donc c'est une superbe mission européenne, avec un orbiteur qui va aller tourner autour de Mars pour notamment essayer de mesurer la quantité de méthane dans l'atmosphère. Et vous savez que ce méthane, il est éventuellement, enfin en tout cas peut-être, les scientifiques ne l'excluent pas, produit par des micro-organismes à la surface de Mars ou dans les profondeurs de Mars. Donc ça, c'est absolument passionnant. ExoMars 2016, c'est aussi un atterrisseur qui va aller se poser sur Mars pour qu'on puisse s'assurer que l'Europe possède bien la capacité de se poser sur Mars, afin qu'en 2018, cette fois-ci, on envoie carrément un rover, donc un véhicule avec des roues sur la planète Mars. Et quand je dis « on », c'est bien de l'Europe qu'il s'agit. Ce sera aussi une grande première. Et justement, on va parler de tout ça au cours du prochain Mardi de l'Espace. Ce sera le 12 avril, dernière nouvelle de Mars. On va parler de ça et puis de la planète Mars en général qui nous fascine toujours autant. Mais ce soir, pour l'instant, c'était de Pléiade qu'on parlait. Donc effectivement, ces deux engins extraordinaires à 180 degrés l'un de l'autre qui sont capables d'imager, de prendre n'importe quel point de la Terre dans les 24 heures avec une résolution de 70 cm avec cette agilité étonnante. Beaucoup d'utilisation, une foule de domaines qui bénéficient de Pléiade et puis pour l'avenir THR-NG avec une résolution de 25 cm. On voit que l'aventure ne fait que commencer. Merci beaucoup à vous, Philippe Kubik et Claire Tinel, d'avoir été avec nous ce soir et de nous avoir partagé avec nous vos connaissances sur ce sujet. Merci infiniment. Bravo à vous. Au bar des sciences, chacun nourrit sa pensée et chacun nourrit sa pensée.